C'est avec Dominique, bonsoir. Bonsoir, et avec des averses encore la nuit prochaine sur toutes les régions. Et puis des nuages bas et du brouillard dans la seconde partie de la nuit, minima de 11 à 14 degrés. Le week-end restera gris, humide et doux. Maxima 20 à 24 degrés jusqu'à 25 dimanche. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. La solidarité s'organise autour des deux ruisseaux qui ont débordé cette nuit en province de Luxembourg. Des torrents de boue ont fait pas mal de dégâts. Il faut rester vigilant. La zone est toujours en alerte de crue. Nous ferons le point avec Paul Dehuile du CETI, le service de la région Wallonne, qui scrute les niveaux d'eau en permanence. Et on annonce malheureusement encore de la pluie pour les heures à venir. Les trains vont rouler de nouveau à partir de 22h. Les cheminots reprennent le boulot. Il faudra du temps pour que tout soit en ordre. Alors on s'attend encore à des conséquences lundi, notamment lundi matin, puisque là, de nouveau, on repartira dans un jour de semaine. C'était la porte-parole de la SNCB à propos de la reprise du trafic sur le rail. En fin de journal, nous irons à Gosselies où les élèves de l'école communale ont reçu la visite des Diables Rouges ce matin. Et je vous annonce que Djokovic ira en finale de Roland-Garros. Il vient de battre l'Autrichien Thiem 6-2, 6-1, 6-4. C'est le journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonsoir Manu. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Des torrents d'eau, de boue, des meubles de jardin, toutes sortes de détritus qui s'amoncellent. L'eau a fait des dégâts en province du Luxembourg. Oui, précisément dans les environs de Nassogne, qui sera sans doute déclarée zone sinistrée par le gouvernement wallon. On déplore une victime, un apiculteur qui a voulu sauver ses ruches. Il a été emporté par le courant. Et Sébastien Joris, vous êtes sur place, la situation est toujours délicate. La solidarité, heureusement, s'organise. Voilà. Tout ce qui est à terre mouillé, il faut évacuer. Je suis bien aidée par ma famille. Hein. Nous sommes une grosse famille, hein. 6 enfants et tout le monde vient aider comme ça. Depuis hier soir, bah, tout le monde se donne des coups de main, tout le monde va chercher des sacs de ça pour les gens, va demander s'il faut aller conduire les enfants à l'école, aller les rechercher, tout ça. Enfin, c'est vraiment petit village, mais bon esprit. Tous les voisins, jeunes, vieux, s'y sont mis. Et ça a été extraordinaire. Ce midi, on a mangé tous ensemble. D'autres gens du village ont fait à manger pour ceux qui travaillaient. On a fait un spaghetti pour 60 personnes, là, à peu près. Et alors, maintenant, on reprépare une soupe pour ce soir avec pistolet, jambon, fromage. Et voilà, quoi. Maintenant, ben, on va refaire le tour du village. C'est ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Les habitants de la région de Masbourg, solidaires, rencontrés par Sébastien Joris et Vincent Brichet. Alors, les inondations, elles ont touché toute la région. Jemelle, Masbourg, Arcin, Argimont, On. Tout ça à cause de la Ouam et de la Masblette. Ces deux petits cours d'eau qui se jettent dans la Lomme, qui ont fait de gros dégâts. Sont-ils toujours aussi menaçants? Pour le savoir avec nous, Paul Dehuile du CETI, le service d'études des cours d'eau en Wallonie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je précise d'abord que je suis du centre régional de crise de Wallonie. D'accord. Est-ce qu'ils sont toujours menaçants, ces deux affluents-là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est? Non, ces deux affluents, pour l'instant, les débits sont orientés à la baisse, donc les niveaux d'eau diminuent progressivement, mais il y a encore pas mal de courants, bien sûr. Hein. Donc on n'a pas retrouvé une situation d'avant les événements orageux d'hier. Alors, c'est toujours en alerte de crue et d'autres affluents sont en pré-alerte ailleurs en Wallonie. Hein. Tout à fait. Il y a encore la Basse-Lesse, l'Amblève, la Vesdre et la Meuhaine qui sont toujours en préalerte, mais aussi avec une orientation à la baisse puisqu'on a quand même pu bénéficier dans la matinée d'une accalmie sur le plan des précipitations. Alors, M. Dehuile, hier, la Vesdre était déjà en préalerte, mais pas du tout la Lomme où ça a débordé cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mal évalué la situation au centre d'études? Non, pas du tout. Simplement, le problème avec les zones orageuses, il est impossible, même pour les météorologues, de dire à quel endroit l'orage va éclater et à quel endroit on va devoir faire face à des précipitations exceptionnelles. Et donc ici, c'est ça, c'est des orages qui ont provoqué ces inondations? Tout à fait. Tout à fait. Donc on n'est pas du tout dans le scénario de pluie hivernale continue où les rivières montent et débordent suite à la fonte des neiges ou autre chose. Ici, c'est vraiment ponctuellement le ciel qui se vide à un endroit. Merci beaucoup, Monsieur De Wille. Merci de nous avoir donné ces informations concernant donc les inondations et la problématique de débordement de ces rivières en province de Luxembourg. Et donc, vous l'avez rappelé, une préalerte toujours en cours autour de la Vesdre, de la Basse-Lesse, de la Meuhaigne. Ces inondations qui d'ailleurs ne touchent pas que la Belgique. Le niveau de la Seine à Paris, lui, a dépassé les 6 mètres. Il monte encore. Deux musées sont fermés, le Louvre et Orsay. La navigation est interdite sur la Seine, sur le pont de Grenelle. Lola Fourmi, notre correspondante, a rencontré des curieux en train de prendre des photos. Il y a des caves qui sont recouvertes complètement d'eau. C'est plus sensationnel qu'inquiétant en fait. Une situation tellement exceptionnelle que les télés japonaises viennent même filmer. Certains riverains, eux, s'inquiètent. Ce que vous entendez là, c'est le débit d'eau qui immerge la moitié de l'île aux cygnes, où jouent habituellement les enfants d'Ali. Je suis venu pour qu'ils se rendent compte un petit peu de ce qui se passe, pour leur montrer que voilà, ils peuvent plus y aller et que c'est pas grave, mais c'est inquiétant. C'est pas normal qu'on voit autant d'eau qui monte. On ne sait pas quand il redescend, c'est bizarre. En face, Ibrahim a dû évacuer le sous-sol de sa société de parking. Il devra peut-être évacuer aussi la partie extérieure. Un coup dur. On ne travaillera pas toute la suite, quoi. C'est-à-dire que le mois à venir, faut attendre la descente de l'eau. Après, il faut te rénover. Après, il faut te mettre aux normes. Et le vaste chantier de nettoyage des berges devra être rapide. Car rappelons quand même que d'ici une semaine, des milliers de touristes sont attendus à Paris pour l'Euro de foot. Des trains, on devrait en revoir partout sur les rails dès demain. Oui, parce que la grève s'arrête ce soir à 22h. C'est officiel. À la SNCB d'ailleurs, on s'organise pour remettre tout en ordre de marche. Il faudra plusieurs jours. Heureusement, reprendre un week-end est plus facile, comme nous l'explique Nathalie Pierrard de la SNCB. Alors, on s'attend encore à des conséquences lundi, notamment lundi matin, puisque là, de nouveau, on repartira dans un jour de semaine. Des conséquences moindres, évidemment, que ce qu'on connaît ces derniers jours, mais peut-être plus quelques suppressions ou éventuellement des compositions de trains qui seraient réduites ou modifiées. Alors, à Mons, la SNCB dénonce un acte de sabotage grave sur le rail et dépose plainte. On a sectionné des câbles de commande. Heureusement, les dégâts ont pu être réparés. Cela dit donc, la reprise du trafic demain ne veut pas, en tout cas partiellement, cette reprise du trafic ne veut pas dire que les tensions sont apaisées entre direction et syndicats. C'est même le contraire, Baptiste Tupin. Après plus de 5 heures de discussion, toujours pas d'accord, Marianne Lerouge de la CSC Transcom ne cache pas sa déception. Assez amère parce qu'on pensait que c'était la dernière et donc ce n'est malheureusement pas le cas. Nous sommes venus avec une proposition qui était sensiblement la même que celle de la CGSP et la société n'en a pas voulu. On a l'impression qu'on se braque sur ces fameux jours de crédit et sur les punitions et donc il n'y a pas de marche arrière possible par rapport à ça. Malgré l'échec des négociations, les mouvements de grève spontanée cesseront ce soir. En cause, les sanctions auxquelles s'exposent désormais les grévistes. Michel Abdissi, président de la CGSP Cheminot. On se rend compte que maintenant la direction est occupée à vouloir punir tous les agents. Alors dans la réglementation que nous avons au niveau des chemins de fer, il y a une clause qui dit qu'après 10 jours d'absence injustifiée, on risque la révocation, si bien qu'on devait à un moment donné faire un choix. Le choix est donc fait, la grève prend fin, les trains rouleront à partir de 22h, mais la CGSP a déposé un nouveau préavis de grève pour le 12 juin, 22h. Le fait de rentrer un préavis oblige les directions à revenir autour de la table, si bien que maintenant, pour mardi, puisque la réglementation l'impose, nous serons invités pour de nouveau venir discuter et espérer trouver des solutions. Du côté de la CSC Transcom, pas de préavis de grève pour l'instant. Le syndicat chrétien veut soumettre cette décision à sa base. Baptiste Tupin avec Alain Demarais et donc un préavis de grève déposé pour le 12 juin, préavis de grève d'une semaine à la SNCB. La reprise du travail qui s'amorce aussi dans les techs. En tout cas, les bus rouleront demain à Namur. En Brabant-Wallon, ils rouleront partiellement ce week-end et complètement dès lundi. À la Louvière, il faudra attendre lundi. En région liégeoise, le débat est houleux entre les conducteurs qui se réunissent en assemblée générale. Ils ont décidé de voter à bulletin secret. On n'a donc pas encore là le résultat de l'Assemblée générale. Les communes ne devront pas accueillir un nombre minimum de réfugiés, comme c'était prévu dans le plan de répartition des réfugiés du gouvernement fédéral. Non, parce qu'il y a finalement beaucoup moins de réfugiés qui arrivent aujourd'hui en Belgique. En fait, il n'y en a jamais eu aussi peu. Le gouvernement a donc décidé ce matin de fermer certains centres d'accueil et de reporter l'entrée en vigueur du plan de répartition des réfugiés. Faut-il bannir les smartphones, les tablettes et même les lampes de chevet LED des chambres de vos enfants? En tout cas, il faut surveiller le temps d'utilisation, car si exposé trop longtemps, ça peut être dangereux. On en avait déjà parlé, mais cette fois, c'est le Conseil supérieur de la santé qui le dit. Ce qui pose problème, vraiment, c'est la lumière bleue, la lumière artificielle qui peut détruire les cellules de notre rétine. Et Jacques van der Straat du Conseil supérieur de la santé attire notre attention. C'est encore pire pour la rétine des enfants. En dessous de 8 ans, le cristallin est peu filtrant pour les hautes fréquences lumineuses, dont le bleu, le violet, les ultraviolets. Et donc, ces enfants sont plus à risque d'effets néfastes, en fait, de cette lumière LED. Et en particulier, en ce qui concerne les enfants, l'usage, par exemple, d'écrans plats, donc de tablettes, de smartphones, e-readers, etc., en fin de journée, est à risque d'induire des troubles du biorhythme chez ces enfants, donc qui, par exemple, utiliseraient volontiers ça en fin de journée ou en début de nuit. Même chose pour une lampe de chevet d'un enfant. Ne choisissons pas une lampe LED pour une lampe de chevet, mais plutôt une ampoule de type halogène ou incandescent, s'il en existe encore. Jacques van der Straat du Conseil supérieur de la santé avec Catherine Tonnero. Et à Scarbec, eh bien, les enfants prennent d'autres risques que l'exposition aux lampes LED. Depuis quelques jours, une bande de gamins de 12 ans à peine parfois s'installe dans la rue et respire un gaz tiré de cartouches en aluminium. Ce gaz est, semble-t-il, du protoxyde d'azote. C'est un gaz propulseur qu'on utilise par exemple en cuisine. Mais pourquoi faire? Pour quels effets? Véronique Fievé a posé la question à Antoine Boucher d'un Fort Drog. Mais comme on l'appelle gaz hilarant, hein, aussi pour beaucoup de consommateurs, ben donc c'est effectivement un effet en termes de fou rire. Donc on consomme en général ce produit à plusieurs. Tout seul, évidemment, c'est moins drôle. Ce que nous, on a l'habitude d'entendre, c'est effectivement plutôt des consommateurs plus âgés. À cet âge-là, c'est plus étonnant parce que c'est pas comme des consommations de type X. Là, ça ne demandait aucun dispositif ici. Ça demande quand même cet appareil pour diffuser ce gaz. Néanmoins, il est relativement simple de se le procurer puisqu'on dit que c'est utilisé, c'est un gaz qui est utilisé notamment dans les siphons de crème fraîche. C'est effectivement un gaz qui est utilisé en matériel alimentaire. C'est plutôt rassurant puisque ça prouve qu'il ne devrait pas être trop toxique. Donc ici, effectivement, dans le propulseur de crème fraîche, hein, c'est ce gaz-là qui normalement est dans les bonbonnes. Antoine Boucher d'un Fort Drog à propos de cette mode de respirer du protoxyde d'azote repéré chez les jeunes à Scarbec. Des enfants en noir, jaune, rouge à Gosselies et des enfants survoltés. On leur aurait annoncé une visite royale que ça n'aurait pas eu moins d'effet. En fait, des enfants d'une dizaine d'écoles en Belgique ont reçu aujourd'hui la visite des Diables Rouges, opération Ouf TV, pour saluer ces jeunes qui s'impliquent dans des projets sociaux. À Gosselies, Laurent Simon et Jason Donayer sont venus taper la balle avec les gamins. Maxime Paquet et Caroline Lanswert étaient aux premières loges. Klaxon, casquette, écharpe, difficile de décrire une classe de 3e primaire en liesse devant deux diables rouges. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai toujours rêvé de les voir. Même s'il faut bien l'admettre, ce ne sont pas les joueurs les plus connus des enfants qui sont présents aujourd'hui. Moi, c'est Compagnie. Moi, c'est Thibaut pour toi. Kevin De Bruyne. Moi, c'est Hazard. Et ici, c'est qui? Je ne les reconnais pas. Ah, je ne me souviens plus de leur nom, en fait. Non, mais ils jouent bien. Laurence et Simon. Et pourtant, Laurent Simon, Diable Rouge, est chez lui. Il a grandi dans la région de Charleroi. Ouais, moi je viens d'à côté, donc j'ai fréquenté pas mal d'endroits ici. Et, ma femme, elle a l'école ici, je pense. Raison de plus pour venir soutenir les projets des 3e A et B de l'école. Être là pour la cause aussi, parce que je pense que la cause ici est vraiment belle. Donc voilà, il y a des gens, il y a des enfants qui ont besoin de nous et on se doit de répondre présent. Et... Les élèves ont envoyé des doudous en tissu réalisés par leurs soins à des enfants qui séjournent à l'accueil. Une ASBL qui prend en charge des enfants victimes de négligence, de maltraitance ou qui sont retirés de leur milieu familial pour un temps. Et ce projet-là vaut bien quelques échanges de balles avec un diable rouge. En tennis, la finale dame de Roland-Garros opposera Serena Williams à Garbine Muguruza qui avait battu Yanina Wickmeyer au 3e tour. Chez les hommes, c'est Djokovic qui ira en finale. Il a battu Dominic Thiem 6-2, 6-1, 6-4. L'autre demi-finale entre Stan Wawrinka et Andy Murray a lieu en ce moment et Andy Murray mène 2-7 à 0. Un mot encore pour vous dire, en basket, Collande se déplace à Alost ce soir pour la deuxième manche de la finale des playoffs. play-off. Les Alostois devront profiter de l'avantage du terrain pour revenir à un point partout après leur défaite lors de la première manche. Je dois encore vous dire un mot de cyclisme. Victoire pour Philippe Gilbert dans sa course de reprise. Le Belge a remporté la deuxième étape du Tour du Luxembourg aujourd'hui. Et puis encore une bonne nouvelle pour terminer, une bonne nouvelle animalière. Oui, on aime bien ça ici à Vivacité. La Halictus quadricinctus. Je me suis entraînée pour le dire. Mais en français, on dit halict à quatre ceintures. C'est une abeille menacée. Et pour la première fois depuis 63 ans, cette espèce rare a été à nouveau repérée en Belgique dans le Brabant wallon. Elle fait 13 à 16 mm de long, encore moins grand qu'un bébé panda. Ah oui, ça c'est tout petit, oui. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle ? Je sais pas, j'ai peur des abeilles. Non, c'est toujours bien une bonne nouvelle. Alors si vous le dites, merci Manu pour ce journal. Jusqu'au 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Bélisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur bélisol.be. Bélisol. C'est l'heure de retrouver tout de suite un point RTBF Mobile Info. Et avec pas mal de difficultés sur Liège pour l'instant, Cyril. D'abord, on a connu un accident sur l'A602 Loncin-Chesnay dans le tunnel de Cointe. Ça va mieux, mais vous mettez encore une vingtaine de minutes à rallier l'échangeur de Loncin à Chesnay. Et puis, par la suite, c'était compliqué. Hein, c'est compliqué pour l'instant d'accéder au centre de Liège. Oh, du côté de Saint-Oualbourg, il y a des ralentissements. Le long de la Meuse, il y a les ralentissements. Que vous vouliez rentrer dans Liège ou sortir de Liège vers Herstal, entre autres, ou bien vers Sclessin, dans le quartier du Val-Benoît, par exemple, ça ralentit pas mal. Le long de la dérivation, même chose, les ralentissements nous sont signalés des deux côtés de la dérivation. Dès le quai Mativa, vous serez ralenti jusque Bressou et au-delà, vers l'autoroute 25. Dans l'autre sens, dès le pont de Biais, ça ralentit jusqu'au pont de Buyer. Des ralentissements du côté du quai Timmermans, dans le quartier de Grivenay, par exemple, également. Il faut vraiment prendre votre mal en patience. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous savez ce que la Seat Leon ST Break offre de mieux? Des jantes 17 pouces qui vont faire baver mes collègues de jalousie. Presque. Son pack connectivity pour aller sur mon Facebook. Pas mal. Son incroyable coffre pour encore plus de shopping. Exact. Mais elle offre aussi 5 300 € d'avantage. Waouh! Profitez maintenant de 5 300 € d'avantage sur la Seat Leon ST Break avec phare full LED et système de navigation. Prime de recyclage comprise sous condition. Seat. Vivacité Etias présente les 15 ans du BSF. Du 5 au 14 août, avec Louane, Ouverphonic, Cœur de Pirate, Louise Attaque, Emma Bale, Lost Frequencies et plus de 70 autres artistes. We love music, we love Brussels. Info et tickets, bsf.be, avec la Loterie Nationale. Avec Poincaré, sortez-vous pour l'été. Du mercredi 1er juin au dimanche 12 juin, bénéficiez de moins 30% sur votre deuxième short. Offre valable sur les assortiments hommes, dames et enfants confondus. Voir conditions en magasin. Il y a longtemps, je me trouvais dans un GSM. Et moi dans une foreuse. Et on nous a abandonnés au garage. C'est nul. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Allons, répète, moins 10% chez Tom & Co. Moins 10% le samedi 4 juin. Bon, il faudra être prêt pour ce samedi 4 juin. Chez Tom & Co, il y a 10% de réduction sur tous nos achats. Alors on répète, moins 10% le samedi 4 juin. Tom & Co, votre animal et vous. Voir conditions en magasin. Montez sur le terrain. Aujourd'hui, recevez gratuitement avec votre DH un brassard officiel de Capitaine Fairplay. Enfilez ce brassard et supportez l'équipe nationale. Tous les supporters veulent le brassard Fairplay. La DH vous l'offre. Demandez votre brassard gratuit avec la DH d'aujourd'hui. Profitez dès aujourd'hui d'une belle action chez Optica. À l'achat d'une monture avec verre optique, vous recevrez une deuxième paire gratuite, voire conditions en magasin. La vue n'est pas un luxe. Optica. Mes lunettes et lentilles, je les trouve sur optica.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Le sparadrap, le complexe vitaminé, la crème solaire, le lait en poudre, les huiles essentielles, la brosse à dents... Le ticket de caisse. Heureusement maintenant, il y a Medimarket. Plus de 8000 produits de soins au prix les plus bas. Le portefeuille. Alléluia. Et aujourd'hui, offrez à votre peau la meilleure protection pour l'été. 30 à 50% de réduction sur tous nos produits solaires. Info sur Medimarket.be. Medimarket, prenez soin de vous. Yeah. jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Et c'est la dernière fois de la semaine qu'on s'entend, mais attention, pas la dernière, on est loin des vacances quand même. J'espère que tout va bien pour vous, que la semaine s'est bien passée, que la journée aussi, et puis on va essayer de terminer tout ça en beauté avec des cadeaux. Et pour une fois, bah, je vais commencer par les cadeaux, tiens, je vais vous dire ce qu'il y a à gagner ce soir. Dès maintenant, vous pouvez jouer pour repartir avec un restaurant pour deux personnes, pour un restaurant italien, parce que c'est la semaine italienne hein, aujourd'hui, enfin toute la semaine. On célèbre les 70 ans de l'immigration italienne, et à cette occasion, le guide Delta vous invite à Ransard, chez Il Trulletto. Ah, ça a l'air bon, rien que le nom. Les restaurants italiens, souvent, ça donne envie d'y aller. Il Trulletto vous accueille avec la personne de votre choix. C'est un menu pour deux. Si vous voulez remporter ça, dès maintenant, vous inscrivez, vous envoyez Italie par SMS au 60-03. Et tout à l'heure dans l'émission, il y aura d'autres concours. Je vous enverrai à l'Atomium. Il y a un resto là au-dessus de l'Atomium. Vous y serez invité tout à l'heure avec hôtel et tout ce qu'il faut pour être vraiment des VIP. Puis on saura avant la fin de l'émission qui parmi vous repartira avec des billets de train pour aller à Paris remettre le disque d'or belge de Renaud. Ça, c'est la classe quand même. Renaud qui est de retour avec un nouvel album, bientôt des concerts. Et donc, un disque d'or, il recevra ce disque de vos mains sur scène à Paris d'ici quelques jours. On en reparle tout à l'heure. Le patron de Vivacité sera là aussi. Il s'installera dans ce studio. C'est rare et il est là pour répondre à vos questions. Si vous avez une question pour lui, si vous avez une envie, si vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous voulez échanger avec le patron, ben vous pouvez. Profitez-en 3063 dès maintenant pour poser vos questions par SMS et sur la page Facebook de l'émission 5 à 7 Vivacité RTBF. On prendra la direction de la montagne aussi tout à l'heure avec David Bertrand. Alors David Bertrand, vous le savez, il est de la rédaction des sports et pour une fois, il fait pas du ski à la montagne mais du foot en altitude. C'est un concept et on en parlera avec lui tout à l'heure. Ce week-end à la télé sur la 2, vous aurez l'occasion de voir le concert de Stromae, concert enregistré à Montréal. Et pour un concert, bah, il faut bosser. Il y a beaucoup d'équipes autour. On aura le directeur artistique de Stromae qui sera avec nous tout à l'heure dans le 5 à 7. Et puis juste avant, on va parler de drones. Les drones sont dans l'actualité aujourd'hui. Les drones sont dans l'actualité pour deux choses. La première, c'est un plan anti-drone pour les prisons. C'est les services du ministre de la Justice, Koen Gaines, qui travaillent dessus en ce moment. Il y a des problèmes, il y a de la drogue qui arrive parfois par drone dans les prisons. Et puis, il y a une crainte de voir des armes qui arriveraient par morceaux. Il y a un plan anti-drone donc qui arrive parce qu'aujourd'hui, il y a déjà une législation. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec un drone, mais on veut aller encore plus loin et interdire les drones aux alentours des prisons. On va parler justement de ce qui est possible ou pas avant d'aborder quelque chose de plus gai autour des drones et un festival qui arrive ce week-end. Maître Alexandre Cassard, vous êtes spécialiste en législation sur les drones. Merci d'être dans le 5 à 7. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on peut utiliser un drone aux abords des prisons ? Non. Déjà, on ne peut pas le faire. Donc, non. La législation va être encore plus stricte puisqu'aujourd'hui, des gens, visiblement, le font quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un drone ? Ah, on peut faire énormément de choses très très bien. Pour la reconnaissance dans les catastrophes, par exemple, la photogrammétrie, donc pour les suivis des chantiers, pour la construction, les photos aériennes pour l'immobilier. On sait faire vraiment des tas de choses fantastiques, mais évidemment, il y a d'un aspect négatif, comme vous l'expliquez, la possibilité d'aller dropper de la drogue, des morceaux d'armes dans des prisons. Donc là, pour l'instant, les prisons ont déjà des mécanismes pour empêcher les atterrissages d'hélicoptères avec des câbles. Mmh. Mais effectivement, il faut aller un cran plus loin parce que les drones passent entre les câbles, évidemment. Donc les services du ministre de la Justice vont travailler là-dessus. Aujourd'hui, là, on parle des drones professionnels, mais des drones grand public. J'en parlais dans le 6-8 cette semaine avec Sarah de Paduade. Il y a des drones qui démarrent à quelques dizaines d'euros. On peut s'amuser avec. On ne peut pas les utiliser partout, Alain. Non. Donc, les drones grand public, en dessous d'un certain seuil de poids, donc vraiment le drone que vous allez acheter dans le magasin pour jouer dans votre jardin, vous ne pouvez l'utiliser que dans votre jardin jusqu'à une hauteur de 10 mètres. D'accord. Et si votre jardin est situé à une certaine distance d'endroits stratégiques, genre des aéroports, un terminal gazier, des centrales nucléaires, ben vous ne pouvez même pas l'utiliser comme ça. D'accord. Donc le drone qu'on a à la maison sert vraiment pour s'amuser. Et puis dans certains pays, puisque c'est pas la même réglementation partout, pendant les vacances, éventuellement on peut prendre des drones pour faire des belles images. Ou alors même chez nous, on peut peut-être le faire en demandant l'autorisation. Oui, donc là on est plutôt dans l'aspect drone professionnel. Et effectivement, il y a un tout un programme d'autorisation, de formation qui sont obligatoires, de conditions pour les drones. On ne peut pas utiliser des drones de n'importe quelle taille, de n'importe quel poids, équipés de n'importe quel matériel. Et une fois qu'on a rempli toutes ces conditions, on peut aller filmer dans les Ardennes en dehors d'espace public avec juste un système de déclaration d'activité. D'accord. Si vous voulez faire des activités un peu plus dangereuses à proximité de personnes ou peut-être plus à proximité de centres urbains, là il faut demander une autorisation. D'accord, ben merci pour ces précisions. Maître, dernière question, si on utilise un drone alors qu'on ne peut pas, on risque quoi? Ben, si vous êtes un particulier qui crache son drone chez le voisin, bon, pas grand-chose. Ouais. Ça fait mal parce que souvent ça coûte cher. Mais... Oui, c'est ça, quelqu'un va vous gronder. Si vous êtes un professionnel, par contre, là, il y a des peines d'amende à la clé. Et évidemment, si le drone cause un dommage, parce que c'est vraiment ça la crainte, c'est que ça tombe sur quelqu'un, sur une voiture, voire que ce soit pris dans les... pâle d'un avion de ligne, enfin dans le réacteur d'un avion de ligne, ben là il y a une responsabilité civile qui peut être très très importante. Il faut indemniser évidemment des dommages qui sont causés. Merci pour vos explications, Maître Alexandre Cassard. Alors plus gai à propos des drones, il y a un festival de l'image par drone qui se déroule à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 juin à Saint-Hubert. On va en parler avec Henri Broussemiche, vous êtes organisateur et fondateur du festival. Bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce festival dont on retrouve toutes les infos sur dronefilmfestival.be? Alors on va voir pas mal de choses. J'y suis déjà parce qu'aujourd'hui il y avait déjà des conférences, notamment avec Maître Cassard qui était à quelques mètres de moi. Mais ce soir il va y avoir une soirée de projection avec un épisode de La Trêve plus le making-of en présence des actrices du feuilleton. Sympa. Ça c'est déjà une belle chose. On va projeter... un film qui est Watermark, qui est un long métrage canadien, qui est une première belge. Donc ça, c'est assez extraordinaire aussi. Alors demain, à partir de 10h, il y aura il y a toute une série de stands hein, avec des écoles de drones, des gens qui fabriquent des drones, des fabricants belges, ouais. Nikon et Canon qui viennent avec des caméras. J'ai d'ailleurs juste à côté de moi une caméra extraordinaire de chez Canon montée sur un drone. Et demain, ils font des démonstrations en vol de tout ce matériel. D'accord. Il y aura aussi des démonstrations de FPV, qui sont les petits drones de course. Ça, c'est impressionnant. C'est assez impressionnant. Donc avec des lunettes virtuelles, et le public pourra mettre les lunettes pour voir un petit peu, avoir la même vision que s'ils étaient sur le drone. Alors c'est jusqu'à dimanche, ça se passe à Saint-Hubert. C'est à l'aérodrome militaire de Saint-Hubert, c'est bien ça hein? Oui, c'est l'aérodrome militaire de Saint-Hubert, c'est un endroit extraordinaire, on est au milieu de la forêt, on a plein de places. Il fait d'ailleurs beau ici pour le moment, et demain on n'est pas trop mauvais, donc on va faire montrer tout cela. Pourvu que ça dure. Donc toutes les infos pour vous rejoindre jusqu'à dimanche à Saint-Hubert, ça se trouve sur le site internet dronefilmfestival.be. Bon festival alors Henri, et à bientôt. Merci beaucoup. Belle Merci soirée, beaucoup, bon week-end. Soirée. Au revoir. Au revoir. 5 à 7. Ah, mais parlez pas de météo, hein. J'ai chopé un de ces rhumes. Besoin d'un bon coup de booster pour le moral? Du 1er au 4 juin, profitez des jours soleil à Belle-Île. Moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50%. 4 jours de prix éblouissants à ne pas manquer. Cuisine Constant fête son anniversaire. À cette occasion, venez redécouvrir un des plus beaux showrooms de la région ce samedi et dimanche 4 et 5 juin. Profitez de nos conditions anniversaire tout le mois de juin. Cuisine Constant, un grand nom de la cuisine. Rue de la Clé à Médin-Soumagne, cuisineconstant.be. Événement à ne pas manquer à Nandrin. Grande braderie d'été à la différence. Du jeudi 2 au dimanche 5 juin, des centaines d'articles à mini prix sous chapiteau. À Nandrin, la différence. Une nouvelle ère. Une nouvelle Alfa Romeo. Alfa Romeo Giulia. Découvrez la nouvelle Alfa Romeo Giulia aux établissements Constant Liège lors de nos portes ouvertes les 11 et 12 juin. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Vivacité, la province de Liège, présente le premier Chinatown. Un village entièrement consacré à l'Empire du Milieu, du 9 au 12 juin, place Saint-Lambert à Liège. Restauration et boissons chinoises, danse du dragon et du lion, démonstration d'arts martiaux, tout pour découvrir la Chine. Une manifestation proposée dans le cadre du 30e anniversaire de la charte d'amitié avec le Fujian. Dans une vie d'indépendant, il y a des moments pour réfléchir et des moments pour agir. Des moments où il faut tenir, faire le gros dos. Et des moments où il ne faut pas hésiter à investir pour grandir. Là, tout de suite, c'est le moment de rendre visite à votre distributeur Ford qui vous fait bénéficier de conditions exceptionnelles sur les utilitaires Transit et même 5 ans de garantie offerte. Il y a déjà un Ford Transit à partir de 15 070 euros hors TVA. C'est l'instant, c'est maintenant. Ford, go further. Infos et conditions sur Ford.be. Sélection, bonjour. Bonjour, Gert Verheyen à l'appareil. Vous offrez des réductions pour les footballeurs connus? Oui, monsieur Verheyen, oui. Oh, spécialement pour vous, il y a des promos diaboliques. Et avec vos 50 sélections pour l'équipe nationale, oui, quand même, j'ajoute un pronostic. Oh, spécialement pour moi? Non, en fait, c'est pour tout le monde, mais voilà. Profitez de promos diables chez Sélection et participez à notre concours foot. Sélection, meilleur et pas plus cher. Ce dimanche chez Brico, tout sera à moins 15% et même moins 20% avec la carte Brico Discount. Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Brico. Pour les makers, Brico. Dis maman, à l'école on a préparé un cadeau pour papa. Et toi, tu vas lui offrir quoi? J'ai pas encore son cadeau ma chérie, mais je sais où je vais le trouver. Chez Planète Parfum. Oh, un parfum! Bonne idée! Comme ça, ses bisous vont sentir très bon. Fêtez papa chez Planète Parfum et profitez de 25% de remise sur le deuxième produit acheté. Offre valable en magasin et sur notre e-shop planèteparfum.com. h 30, les titres de l'actualité sur Vivacité avec Manu Delporte. La Lomme et ses affluents toujours en alerte de crue, mais les prévisions sont plutôt rassurantes. Préalerte pour la Vesdre, l'Amblève, la Basse-Lesse, la Meuaigne. Mais là aussi, le centre régional de crise est assez rassurant. On ne devrait plus connaître d'épisodes orageux comme on en a connu hier soir. Les torrents de boue et les courants de la Masse-Belette, affluent de la Lomme, ont provoqué d'importants dégâts hier. Ils ont fait aussi une victime, un apiculteur de 60 ans qui a été emporté par le courant alors qu'il essayait de sauver ses ruches. La circulation des trains reprend ce soir progressivement. Il faudra du temps pour qu'elle revienne totalement à la normale. La porte-parole de la SNCB nous a confirmé il y a un instant que lundi matin, il y aurait sans doute encore quelques soucis. On ne reprend pas comme ça du jour au lendemain après plus d'une semaine de grève. Cela dit, cette reprise ne signifie pas que le climat est apaisé entre direction et syndicats. La réunion d'aujourd'hui n'a rien donné. Les syndicats ont même déposé un nouveau préavis pour le 12 juin, un préavis valable une semaine. La reprise progressive aussi de la circulation des bus. Plusieurs assemblées de conducteurs se sont prononcées pour la reprise, parfois demain déjà, parfois lundi, mais on n'a pas encore les résultats de toutes ces assemblées. Enfin, en sport, la finale dames verra s'affronter Williams et Muguruza. La finale homme, Djokovic d'un côté, de l'autre, eh bien, ce sera soit Murray, soit Wawrinka. Ils sont au quatrième set pour l'instant, 2 pour Murray, 1 pour Wawrinka. Et pour le troisième, eh bien, pour le quatrième, eh bien, je n'ai pas les résultats pour l'instant et je ne sais pas qui le mène, mais vous le saurez à 18h, sans aucun doute. Eh bien, on reste à 18h, ou alors vous restez et vous nous tenez au courant dès que vous avez l'info. Ça, on peut faire aussi, Manu. Ils sont au tie-break, je pense, dans le cadre. D'accord. Eh ben, vous nous tenez au courant si ça bouge, et puis sinon, on attendra non, le journal. Pas du tout. 1-0. Un jeu pour Murray et 0 pour Wawrinka. Voilà. Ben, mais comme ça, on a vraiment l'info en direct. C'est ça aussi, Vivacité. Merci, Manu. Prochain point sur l'actu à 18h. Donc, la météo tout de suite avec Dominique. Et avec encore des averses qui vont se propager à toutes les régions la nuit prochaine. Et puis aussi des nuages bas et du brouillard. Voilà le topo, minima 11 à 14 degrés. Puis le week-end, il sera gris, il sera humide, il sera doux, avec de la pluie toujours. Les averses seront un peu plus rares qu'aujourd'hui et concentrées principalement sur l'après-midi. Maxima 20 à localement 24 degrés et jusqu'à 25 degrés pour dimanche. Le début de la semaine prochaine, notez-le déjà, sera très doux, mais avec toujours ce risque de dégradation en cours de journée. Le point route tout de suite, RTBF Mobile Info, c'est avec David Godfrey. Quelle est la situation à 17h33? Il y a une situation assez compliquée sur le 411 Bruxelles-Namur. Un accident s'est produit à hauteur de Bierges. La bande de droite est neutralisée. Il y a des files maintenant qui s'étendent depuis Bruxelles. Donc 13 km de file. Vous perdez plus d'une heure dans ces files en direction de Namur. Il s'agit d'un accident impliquant un camion et une voiture. Situation assez compliquée aussi sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure. Grand Bigard au titre, comptez une quarantaine de minutes en plus. Zaventem Grand Bigard en circulation extérieure également. 40 minutes à ajouter. ajouter à votre trajet. 40 minutes aussi en circulation intérieure de Zaventem au carrefour Léonard et maximum 15 minutes sur les autres tronçons. Dans Bruxelles, ça coince dans la plupart des tunnels. Et puis, des files aussi à vous signaler sur la 602 Lons-Saint-Chesnay dans le tunnel de Cointe et en amont. Un accident s'était produit tout à l'heure, mais la chaussée est maintenant dégagée. Néanmoins, encore une vingtaine de minutes perdues à cet endroit en direction de Chesnay. Enfin, ça coince dans Bruxelles, de gros embarras de circulation, principalement aux alentours des quais de Meuse. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Dans un instant, on parlera de Stromae. Stromae sera sur la 2, ce sera demain soir, concert enregistré à Montréal. Et alors derrière le concert, il y a toute une équipe qui travaille, entre autres son directeur artistique. Luc Junior Tam sera l'invité de ce 5 à 7. Dans un petit instant, restez bien là. Il y a 17h35, on va savoir qui repart avec le premier cadeau de la soirée. Et il y en aura des cadeaux, hein. On va savoir qui gagne le repas, j'allais dire en Italie, mais presque. Repas au restaurant italien, c'est Émilie de Potincel qui est avec moi. Bonsoir Émilie. Oui, bonsoir. La journée a été bonne? Oui, excellente. Et elle termine plutôt pas mal. Vous remportez là ce soir, pour célébrer les 70 ans de l'immigration italienne, un repas pour deux personnes chez Il Trulletto à Ransard grâce au guide Delta. C'est sympa. C'est super sympa. D'autant plus que cet après-midi, j'avais dit à mon amoureux ce soir qu'il m'emmène au resto. Mais voilà, c'est l'inverse. Ah, ben, vous savez quoi? Ça fait un resto supplémentaire. Vous ne changez pas ce que vous lui avez demandé. Vous lui dites, tu nous dois quand même un resto, parce que je te l'ai demandé. Et puis là, vous y allez. Comme ça, vous profitez deux fois. C'est pas mal comme ça. Vous êtes marrant que moi, je le ferai. Faites comme ça, Émilie. Je vous fais des bisous, profitez bien. Comment s'appelle l'amoureux ? Ludovic. Ben voilà, si Ludovic espérait échapper au resto, c'est raté. Bonne soirée, Émilie. À bientôt. Merci, au revoir. Il est 17h36, là je vous annonce tout de suite qu'avant 18h je fais un deuxième heureux. Et écoutez bien ce qu'il y a à gagner ce soir, toute la semaine je vous ai offert vos entrées pour aller à l'Atomium. Eh bien on ne change pas, je vous offre toujours vos accès à l'Atomium, mais en plus il y a une nuit au Toon Hotel Bristol Stéphanie avec un dîner dans le restaurant du Toon Hotel Bristol Stéphanie. Et alors vous aurez aussi un dîner dans le restaurant Belgium Taste, et ce restaurant il est situé où? Eh bien, il est situé tout en haut de l'Atomium, dans la dernière boule, tout en haut. Vous avez une vue magnifique sur Bruxelles et vous allez gagner ça. Qui remporte ce cadeau? Ben, il faut vous inscrire. Pour ça, vous envoyez Bruxelles par SMS au 60-03 pour 75 centimes le message. Je vous souhaite bonne chance et peut-être que dans quelques minutes, c'est vous que j'appelle. Donc, je rappelle qu'il y a la visite de l'Atomium, le restaurant Belgium Tea situé au sommet de l'Atomium et le week-end avec une nuit donc au Toon Hotel Bristol Stéphanie et le repas dans cet hôtel-là aussi. C'est du beau cadeau, ça se joue maintenant. Bruxelles au 60-03, bonne chance. Jusqu'au 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Bellisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur bellisol.be. Bellisol. Mitsubishi. Attention, attention, offre last minute sur la Mitsubishi i6. Prime de reprise incluse, le SUV compact et dynamique est à 15 990 euros seulement. Mais en nombre limité. Alors, dépêchez-vous. Toutes les infos sur Mitsubishi.be. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, m'ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Actuellement chez Casa, une chaise relax en bois pour 39 euros seulement. Découvrez le nouveau dépliant sur casashops.com. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Vivacité, la 2 et le Conseil de la musique présentent la fête de la musique. Du 17 au 21 juin, toutes les musiques s'invitent aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles avec des centaines de concerts gratuits et des animations pour petits et grands. Tous les lieux et le programme complet sur fêtedelamusique.be. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Moustique, Le Soir et Grand Casino Brussels-Village. Observation numéro 3. Papa, il va sauver la planète. Pour la fête des pères, je t'offre un cadeau durable. Une valise. Quel rapport avec le développement durable? Papa, il faut déménager dans une maison thermo-efficace. Comme ça, on fera des économies d'énergie et j'aurai mon nouveau vélo. C'était pas ma fête à la base, là? Découvrez nos nouveaux appartements dans l'écoquartier de Visé les week-ends des 4 et 5 et des 11 et 12 juin. Info sur groupehorizon.be. Maison Group. Investir les lignes du futur. 17h, 19h, 5 à 7. Demain, dans La Grande Évasion, manquez pas le rendez-vous avec Philippe Jonio et Émilie de Kegel, puisqu'ils vous emmènent en Haute-Somme, c'est en Picardie, pas très loin de chez nous, en France. Et vous gagnerez votre séjour dans une maison d'hôte située dans le cœur historique de Péronne. C'est très beau là-bas, c'est la capitale à deux pas de l'historial de la Grande Guerre. Alors, en suivant les méandres de la Somme, vous découvrirez durant votre séjour les villages de charme de cette région de la Haute-Somme. C'est magnifique, et pour gagner tout ça, soyez là demain dans La Grande Évasion, dès 13h sur Vivacité. Là, on va parler de sport tout de suite avec David Bertrand. On va partir à la montagne, mais on va pas faire de ski. Vous êtes à Morzine, David. Bonsoir. Oui, bonsoir Cyril. Vous êtes parti à la montagne faire du foot. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Écoutez, vous savez bien, je ne vous l'apprends pas que dans quelques jours, l'Euro de football va débuter en France. Eh bien ici, à Morzine, en Savoie, face à la station d'Avoriaz et face au Mont Blanc, sur le domaine des Ports du Soleil que les skieurs belges connaissent bien évidemment, eh bien on dispute ici un tournoi de foot en altitude, ça s'appelle l'Euro de montagne, il y a une douzaine d'équipes qui sont représentées. En fait le concept c'est assez sympa, c'est que ce sont des équipes amateurs qui représentent le pays, leur pays évidemment, et donc il y a une équipe belge qui est ici représentée, qui joue donc sous les couleurs de la Belgique, avec le maillot national, avec l'hymne national, etc. Et ce sont des footballeurs amateurs du club d'Elsenborn, dans les cantons de l'Est. Et s'ils ont été sélectionnés, vu que c'est l'Euro des villages de montagne, eh bien c'est parce que Elsenborn dispose en Belgique du terrain de football situé le plus haut en altitude, vu que le terrain de football d'Elsenborn est à 635 mètres. Ça, c'est pour votre gouverne, Cyril. Et donc, on dispute ici un tournoi de foot qui se fait à 1500 mètres d'altitude, au-dessus d'un téléphérique sur les pistes de ski. Ils ont installé un terrain de foot de 50 mètres de long et de 30 mètres de large. Et donc, il y a des équipes d'Ukraine, de Grande-Bretagne, de France, d'Italie qui se rencontrent ici pour cet Euro de montagne. Et aujourd'hui, la Belgique disputait un match hyper important contre l'Italie, un match de groupe. Les Belges ont battu les Italiens 3-2. Ah, c'est évidemment un bon présage avant le match d'ouverture, évidemment, de l'Euro, où les Belges, les Diables Rouges, les vrais, ceux-là rencontreront l'Italie. Mais ça doit être super compliqué de faire des efforts comme ça en montagne, parce qu'on a l'habitude peut-être du ski. Quand on va en famille, on fait une petite piste, on s'arrête, on boit un vin chaud et puis on repart. Là, c'est quand même intense. Il n'y a pas la même qualité d'air quand on est à la montagne. Bon, on n'est pas non plus au sommet de l'Everest. On est juste à 1500 mètres d'altitude ici à Morzine, au-dessus du Plainet. Mais ça se ressent quand même, inévitablement. Puis tout le contexte est différent, évidemment. L'environnement, le paysage, c'est absolument sublime, évidemment, avec la chaîne de montagne juste en face, avec le Mont Blanc au loin. Et le problème aussi qui se pose ici, c'est qu'il a plu énormément ces derniers jours et que le terrain est relativement détrempé. Et donc, le terrain est assez abîmé. Et donc, les sportifs souffrent d'autant plus avec, en effet, l'altitude qui se ressent. Ils sont venus en milieu de semaine pour s'acclimater un petit peu. Ils ont déjà disputé deux matchs et quelques entraînements. Donc, ils commencent tout doucement à se sentir un peu mieux, à faire des efforts à 1500 mètres. Mais ça reste, en effet, un effort différent de si ça se faisait au niveau de la mer. En ce moment, il fait chaud, il fait froid à la montagne? Il fait bon, mais il fait pluvieux. Là, on est en train de faire un petit tour en VTT électrique pour ne rien vous cacher. Ah, électrique, crachin. Ça va? Oui, mais c'est une initiative ici assez original. Il y a ça de plus en plus dans les stations de sport d'hiver. On propose des VTT électriques. Ça reste du sport, parce qu'il faut quand même pédaler, mais il y a une petite assistance électrique qui fait du bien dans les montées. Ça permet évidemment d'aller admirer le paysage des montagnes avoisinantes. On est moins essoufflé quand on s'arrête au chalet pour prendre une crêpe, quoi. C'est ça, mais pour l'instant, c'est un peu la saison morte, vous imaginez bien, dans les stations de ski. Donc il n'y a pas énormément d'activité, mais par contre, autour du tournoi de foot, il y a pas mal de monde, et notamment Jean-Marie Pfaff, l'ancien Diable Rouge, le gardien légendaire évidemment de l'équipe nationale avec la demi-finale notamment à Mexico en 86. Jean-Marie Pfaff qui est coach adjoint de cette équipe d'Elsenborn. Et hier, par exemple, il y avait Aimé Jacquet, le sélectionneur français, qui avait amené les Bleus au titre de champion du monde en 98, qui était là aussi. Et donc il y a toute une série de personnalités, et sincèrement, on a vu le niveau tout à l'heure, ça a beau être des équipes amateurs, ça joue excessivement bien. Et on a assisté à des belles rencontres de football. C'est un format un peu particulier. C'est deux mi-temps de 22 minutes 30 pour avoir un total de 45 minutes. Mmh. Vous le savez, le habituel du football. Et donc, ça joue assez vite. Ça joue de manière intense. Il n'y a pas de temps mort. Et c'est assez spectaculaire avec des équipes techniques. Et cette équipe d'Elsenborn, une équipe de 3e provinciale, franchement, elle nous a surpris, surtout qu'elle a battu la Suisse déjà hier 5-1 et qu'elle est première de son groupe. Et donc, demain, elle disputera un quart de finale l'après-midi après un dernier match de groupe qui se fera contre la République tchèque le matin. Eh ben merci David pour toutes ces infos et on suivra tout ça bien sûr grâce à vous sur rtbf.be/sport. Bonne soirée David. Exactement. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt, il est 17h44. 5 à 7. Toujours vivant, assurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Ah Renaud, on l'avait attendu, il est de retour et son retour a été marqué par un nouvel album bien sûr et un album qui a plutôt bien fonctionné puisqu'il est déjà disque d'or en Belgique. Et ce disque d'or, il va être remis par un auditeur ou une auditrice de Vivacité le 7 juin prochain. Et qui est cet auditeur? Qui est cette auditrice? Eh bien c'est Pascal qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Pascal. Oui bonsoir, bonsoir. Bienvenue Pascal, ça va bien? Ah oui, je suis vraiment très émue d'avoir gagné le concours. Ça va être chouette. Donc, hein. Oui. Ah oui, très très contente. Et vous donc, imaginez. Pour tout dire, c'est mes enfants qui ont fait le concours. Et donc je remercie Tom et Yana et Yannick et Caroline qui ont participé au concours pour moi. Pour ah bah c'est très sympa. Ça fait longtemps que vous suivez Renaud, vous êtes une grande fan. Ah ben moi oui, je suis Renaud depuis le début, donc je l'ai vu tout au début quand il venait, quand il était venu au l'Omnisport de Grigné, j'ai déjà été le revoir au WEX et je suis très contente du retour de Renaud, oui ça me fait très plaisir, oui. Ça et ben le 7 de... juin, j'espère que vous n'avez rien de prévu le 7, parce que vous allez partir j'ai à Paris. Tout, j'ai tout annulé pour y aller, oui, il n'y a pas de problème. Vous irez à Paris, vous montrez sur scène avec Renaud pour lui remettre le disque d'or, ça c'est pas mal hein. Ah oui non, c'est plus que pas mal, c'est formidable, je n'y croyais pas. Le donc, plus difficile ça va être de le donner parce qu'un disque d'or on a souvent envie de le garder, il faudra quand même lui donner, hein, d'accord? C'est ce que mes fils m'ont dit, oui. Ils m'ont dit, il faut garder le disque d'or. Je dis non, je le donnerai à Renaud avec... Je suis vraiment très contente qu'il revienne et qu'on réentende Renaud, c'est culte, Renaud, donc... Bah, voilà, vous nous raconterez tout, hein, vous faites des photos, des vidéos et vous nous dites comment ça s'est passé, d'accord? Oui, je vous souhaite problème. Une bonne soirée, merci un bon beaucoup. Week-end Pascal. Merci, des bisous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Vraiment merci, au revoir. Il est 17h46, on va faire une petite pause. Et puis dans un instant, on va retrouver Luc Junior Tam. C'est le directeur artistique du label Mozart de Stromae. C'est ce label qui a créé le concert que vous verrez demain soir à la télé sur la 2. C'est juste après ça. Oh, regarde, 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf. C'est chez Thomas et Piron et nulle part ailleurs. À Recours, 30 jours de conditions maxi sur une sélection d'appartements neufs Thomas et Piron. Porte ouverte ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre bureau d'accueil situé rue de Lantin, près du 149 à Recours. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à conditions. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. Dès le 10 juin, tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 sont en exclu sur la RTBF. Enflammez le supporter qui est en vous. Bonjour, je suis Donald Meul. Depuis 35 ans, chaque cuisine de vie est conçue comme je le ferais pour moi. Donc, je choisis toujours la meilleure qualité. Par exemple, pour la finition de nos armoires, je n'utilise pas de mélamine, mais bien du stratifié très solide. Avec Dovi, vous choisissez une cuisine belge sur mesure et pour le meilleur prix. Maintenant, chez Dovi à Wan, lave-vaisselle gratuit et 50% de réduction sur la taque à induction. Plus d'infos sur dovi.be. Cuisine Dovi. Nous créons votre cuisine. Ah, salut Elsa. Et alors ce surf au Portugal? La cata. Ah, t'as foncé sur un autre surfeur? Non, ça non. Attends, une vague géante? Non, une baleine t'a englouti? Ah ben non, parce que j'ai même pas mis un doigt de pied dans l'eau. Mais non. Hé, la honte, j'ai trébuché sur un ridicule château de sable, là. Oui, ben voilà, ligament déchiré. C'est pas drôle. Oh. Avec l'assurance voyage d'Europe Assistance, vous êtes tranquille dans le monde entier. Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Protégez-vous à partir de 20€ sur europeassistance.be. You live, we care. Vivacité présente. Immergez-vous dans le bio. Du 4 au 12 juin, producteurs et professionnels du secteur vous accueillent pour une plongée dans la nature. C'est la semaine bio. Ferme ouverte, ateliers ludiques et dégustations fleuriront aux quatre coins du pays. Coup d'envoi les 4 et 5 juin, place d'Armes à Namur. Info sur semainebio.be. Une initiative de la PACW. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans le 5 à 7 cet après-midi, on va parler de ce que vous verrez demain à la télé. Demain soir sur la 2, un concert, celui de Stromae. Alors Stromae a tourné dans le monde entier. Il s'est arrêté entre autres par le Canada. Et c'est ce concert-là que vous verrez demain sur la 2 en télé. On va en parler cet après-midi avec Luc Junior Tam qui est avec moi. Alors vous travaillez avec Stromae, vous travaillez dans son label Mozart. Et vous travaillez sur la tournée. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que vous, on ne vous voit pas sur scène. Non, mais c'est un travail de longue haleine en fait qui se passe surtout en amont, ouais. Et un peu pendant la tournée, enfin beaucoup, mais c'est surtout un travail en amont. Après, la situation de notre côté est un peu particulière vu que comme vous disiez, c'est le label de Paul qui nous appartient aujourd'hui à tous les deux, et donc du coup Paul aime manger à tous les râteliers. Ah bon? Et donc du coup il est finalement là à chacune des étapes, vraiment. Et donc, c'est un artiste qui a besoin de tout contrôler, de tout vérifier, ce qui n'est pas le cas peut-être de certains. Je pense, après c'est aussi peut-être la configuration dans laquelle on a été amené à travailler depuis 5 ans qui fait que petit à petit on s'est un peu occupé de tout, et finalement le fait que je sois co-réalisateur sur la captation est logique parce qu'on a avancé comme on avance avec tous les projets qu'on a produits jusqu'alors. Et donc pour nous en fait ça nous semblait évident d'être au plus près de la captation pour un live qu'on avait à la base imaginé, conceptualisé et puis après produit pour plus de 209 dates à travers le monde. Donc du coup pour nous c'était quand même évident qu'on allait être impliqué dans la captation de quelque chose qui était aussi important pour nous artistiquement. Alors c'est important de préciser que le label produit le concert, souvent c'est pas le cas, souvent c'est des sociétés externes qui viennent mettre en place un concert pour un artiste. Ici il y a vraiment un contrôle du début jusqu'à la fin. Vous êtes directeur artistique, donc quand vous créez la tournée, quand vous créez le concert, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors dans un premier temps, c'est le live, le vrai live, donc c'est un peu voir quels sont les morceaux qui vont y jouer sur scène et ceux qu'on va laisser tomber, parce que pour le live effectivement qui a été capté à Montréal, c'est la plupart, enfin tous les titres de Racine Carrée, mais aussi certains titres de Cheese, ouais, qui sont revisités parce que l'expérience live est vraiment différente. Et donc il y a tout un travail effectivement sur juste comment va sonner le live, parce que mon travail à la base quand même c'est la direction artistique sur l'album. D'accord. Et donc quand on parle de l'album, et vu que nous on est en indé, c'est la musique et ce qui tourne autour, à savoir tous les visuels et tout ça, et le travail quand même assez énorme qu'on a fait avec les graphistes pour qu'il y ait une cohérence globale. C'est vrai qu'autour de Stromae on a ce côté là, ce côté très travaillé à tous les niveaux musicalement, mais aussi visuels. C'est très contrôle fric et ça nous a un peu jouer des tours en termes de timing, quoi, parce que effectivement des fois on discute pendant des heures pour un truc qui n'en vaut pas la peine, mais bon après voilà, ouais, c'est ça fait partie du travail. Les prix dans le jeu, ouais. Mais donc du coup pour revenir à votre question, dans un premier temps c'est ça, et puis après finalement on construit finalement avec tous les acteurs qui y a autour, et qui sont eux plus techniques que nous bien sûr, parce qu'on fait pas tout nous en fait, franchement. Vous montez pas sur scène pour brancher les câbles? Non, franchement non. Y a des gens bien plus compétents que nous qui nous conseillent, et c'est surtout là où ça se passe, parce que pour les visuels par exemple qui sont projetés sur scène derrière, on doit faire appel à des animateurs et tout ça, et donc c'est un long travail en amont où ça met combien de temps à préparer? C'est un brique de belle manière, quoi. Un concert, une tournée comme ça à travers le monde, ça met combien de temps? C'est plusieurs semaines, plusieurs mois? Ah non, c'est plusieurs mois quand même. Plusieurs mois, ouais. Ouais, et franchement, je pense que ça se revisite, il y a des réunions. Je sais que par exemple, pour le Racine Carré Tour, on a, enfin c'est tout con, mais genre, tous les visuels qui étaient sur scène ont été retravaillés une deuxième fois, parce qu'il y avait la tournée des Zéniths qui s'était débloquée, et donc il faut tout retravailler, et rien que retravailler tous les visuels qu'il y a sur scène, ça prend des mois, ouais, effectivement. Le choix des chansons sur un concert, on les fait commencer parce qu'il y en a beaucoup, il faut filtrer. C'est quoi? C'est de temps en temps, ça se fait au pire papier ciseaux, pile ou face, ou comment on choisit? Ah non, franchement pas. Non, bon, il n'y a jamais de hasard? Non, c'est plus... C'est plus des discussions. Après, je pense que vous avez pu le deviner, on n'est pas du tout dans cette optique de hasard quand même. Ouais. Non, c'est plus une. Moi, je dirais que c'est plus une setlist provisoire. Et puis après, on voit comment le public réagit. C'est surtout ça. D'accord. Ah ouais, il y a des changements quand même en direct. Bien sûr, ouais. Alors, j'imagine. C'est surtout en termes de rythme, quoi. Parce que quand on se rend compte que finalement, le public, on le perd un peu entre deux morceaux. Donc, en temps réel, vous êtes en lien avec Stromae sur scène ou avec l'équipe qui est juste autour pour. Tiens, on va plutôt faire ça. On va plutôt adapter. Ça, c'est plus des discussions autour. Après, il n'y a pas un stress aussi grand qu'il faut qu'absolument on soit en discussion en live pendant la représentation. Non. Alors, je suppose que Stromae, avant de monter sur scène, a un petit stress, comme tous les artistes qui doivent se présenter face au public. Est-ce que quand on est directeur artistique, on a aussi ce stress en regardant le concert, en disant, voilà, on s'attend à ce qu'il se passe peut-être quelque chose qui n'est pas prévu. Et est-ce qu'on est aussi en panique avant que ça démarre? Surtout au début. Surtout au début. Je ne vais pas vous mentir, oui, surtout au début. parce que les premières, en fait, elles sont pleines d'erreurs, de toute façon. Et heureusement, parce que ça permet après de retravailler plein de choses. Des enchaînements, un visuel qui se déclenche pas au bon moment, une transition qui dure trop longtemps, enfin bref. Et donc du coup, non, heureusement, mais c'est juste qu'effectivement, on a toujours peur de la grosse erreur, quoi. Le truc, le problème technique qui fait que le show est pas réussi du tout, ou qu'il y a un trou, ou qu'on est obligé de le recommencer. Et ça s'est déjà passé. Et donc ça le fait pas quand même quand un morceau commence et que ouais qu'il faut le recommencer derrière recommencer, ça casse un peu l'ambiance ouais, exactement donc. Après quand c'est pris à l'écoule le public généralement déjà se rend pas compte souvent des problèmes et puis on est dans l'ambiance donc au pire s'il faut refaire un morceau de chanson vas-y bah on a un peu plus de Stromae pour le même prix quoi ça ah passe. Non ça c'est sûr bon après ça c'est vraiment le cas c'est le pire cas ouais, c'est vraiment exceptionnel mais après clairement mon métier moi c'est de stresser pour les petites erreurs pour que ça soit parfait donc Et au final, ça donne ce que vous verrez demain donc en télé sur la 2. Demain soir, le concert de Stromae enregistré à Montréal. Et pendant que vous serez tranquillement chez vous en train de regarder ce concert, bah, vous pourrez penser à ce qu'on vient de dire et le fait que tout est préparé au millimètre près et qu'il y a toute une équipe qui travaille pendant des mois pour pouvoir vous présenter ce live demain soir sur la 2. Merci beaucoup d'être passé dans le 5 à 7. Et merci puis, à vous. Bah, à très vite. Prochaine tournée, prochain concert, vous passez nous voir. Bien sûr. Oh, il y a une petite hésitation. C'est quoi, c'est le café, c'est l'eau qui est pas bonne, il y a un truc Non, pas du tout, c'est juste que c'est pas demain, quoi, effectivement. Bah, parce que... On attendra le temps qu'il faut, mais on veut vous recevoir à nouveau dans cette émission. C'est gentil. Bon week-end, à bientôt. À vous aussi. Il est 17h55. Voici le cactus de Jérôme de Warzé. Voici le cactus de ce matin, Jérôme, et cette naissance qui a donc fait le tour de la Belgique, un bébé panda est né. Mais oui, bonjour à toutes et tous, qu'une vraie dèche à le mal. Oui, c'est un mâle. Ah. C'est un mâle, monsieur de Warzé. Elion Louya, ah, oui. C'est un mâle. Et je suis le père, ah. Que dis-je, le concepteur, le géniteur, oui. Le tuteur, l'oncle et la tante, oui. Elion Louya. Vous avez vu ces images, monsieur Di Rupo, on ne dirait pas que c'est un petit panda, il ne se ressemble guère. Mais Laurent et son père non plus, et pourtant... Ah non, c'est pas... Oh, le mauvais exemple, ah, oui. Mais par tous les taxes communales du parking de la Grand Place de Mons. Une naissance dans ma bonne province. Ah. Ah, certes, entre cousins, mais nous avons l'habitude dans le Hainaut, savez. Alors, oh là là, c'est d'un goût. Je suis Gaillardi et le travail a duré 10 heures. Ah oui, sans interruption. 10 heures de travail sans interruption, vous vous rendez compte? En Wallonie, sans pause. C'est un record. Quand la presse a rendu cela public, on a vu Raoul et Debeau et Margot Blé se coucher sur les rails de la ligne Herstal-Liège. Hein. Enfin, notez qu'ils ne risquent rien. Certainement. Bon, monsieur Michel, vous aussi, vous tenez... Je suis né au bois, et je n'ai musette, ni plus ni moins, c'est le cinquième enfant de Philippe et Mathilde. Ah bon. Albert est devenu hier, une nouvelle fois, grand panda. J'ai été le premier à prendre l'heureux événement, car je suis au plus près du cœur des préoccupations de mes concitoyens, et j'étais en ligne directe avec le China Conservation and Research Center for the Giant Panda of the Peridaisa Association. Ça va beaucoup mieux votre anglais, vous, hein? Yes, of commission. Pardon? Non, yes, of course. Ah oui, pardon, oui. Je viens de comprendre, c'est nul. Yes, it's good. I perfection my English with the music for the singer Claude François. Ah bah oui. Perfect Twitter. Yes, oui. Tout cela pour vous dire que lorsque le petit est arrivé, je pleurais de tout mon soul, agenouillé, serrant Eric Dombe dans mes bras. Oui. Eric Dombe que j'adoube immédiatement baron. Mais bien sûr, évidemment. J'ai dit merci à Nicordi, le son, vous imaginez. On vous sent très heureux de cette naissance quand même. Hein. Écoutez, le gouvernement a pris ses responsabilités, il n'arrivait pas à copuler, alors nous avons débloqué un budget de 30 millions d'euros pour leur installer un écran géant qui diffusait en boucle des images panda pornographiques. Et ça a marché, hein? Ah, des images d'une beauté formelle rare. Ah bah oui. Un des pandas en plein ébat et quand Gang Bang sautait sur Oh Oui Oh Oui, ils éclaboussaient l'écran de leur classe naturelle. Bien sûr, monsieur de Weve, vous êtes également avec nous, souriez, pour une fois. C'est quand même la liesse générale, monsieur de Weve. Insupportable. Nous voulions recueillir ce petit être roseau d'Anvers chez nous en Flandre, mais le gouvernement chinois refuse parce que, d'après eux, il serait irresponsable de faire cohabiter les flamands et les pandas, deux espèces en voie d'extinction. Je n'ai pas très bien compris. Alors, je vais vous expliquer, en fait. Alors, c'est-à-dire, mais voilà. C'est-à-dire, Bart, que les Shintok te disent que vous allez tous crever noyés, sale flamand. Non, enfin, monsieur Di Rupo. Je me lâche. Ah, cette naissance m'a donné une seconde jeunesse. Je crois que demain, pour ma teinture, je vais opter pour un dégradé de noir et de blanc. Ah, mon si flamand. Monsieur Di Rupo, je vous en prie. Non, laissez. Il ne lui reste plus que ça. Hein. Oui, nous voulons l'adopter. Cependant, l'arracher aux griffes des Wallons, vous avez vu les images? Oui, c'est vrai. La mère est là sur un carrelage froid, dans une cage humide. On dirait une prison wallonne. Je suppose que le petit, ils vont l'appeler Sing Sing. Enfin, oui. La seule chose positive, c'est qu'il repart en Chine dans 4 ans. Si on pouvait faire ça avec tous les détenus étrangers. Oui, alors, en 20 ans, la Belgique est seulement le 3e pays européen à offrir un bébé panda après l'Autriche et l'Espagne. Yeah, c'est vrai qu'ici, au Palais Royal, par exemple, on a eu une Espagnole qui a vécu à nos crochets pendant 50 ans. Hein, et elle a plus pris que donner quelque chose. Ça, Cabriola. Oui, hein. Ça, c'est vrai, oui. Et ça, pour extorquer les pesetas aux travailleurs flamands, on peut dire que les fondations étaient solides. Monsieur Franck, une petite réaction rapide sur ce carnet rouge. Yeah, moi, une fois que tes migrants en pilige qui ne sont venus ici que pour s'accoupler, se reproduire et vivre au crochet des touristes flamands. Voilà. Et voilà, ces étrangers, tes parcs, ils font des causes chez nous. Tu te rends compte que si on fait finir tous ceux qui restent, dans 50 ans, ils seront 100 000. Ah bon? Et on te fera aller faire tes prières dans les rues pour idolâtrer Mahomet Bambou. Bon, un dernier mot, monsieur Goblet, peut-être. J'encourage vivement ce petit à s'affilier dès maintenant à la CGSP pour la garde de ses acquis sociaux. Oui. D'ailleurs, leur cadence de travail dans ce parc ne correspond pas au projet. Pourquoi la CGSP, alors? Centrale Générale Syndicat Panda. Merci le droit de se suicider. Reprenez, monsieur. Ça va, reprenez, monsieur. Merci, monsieur Goblet, avec, évidemment, Fabien Le Castel. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ah mais je l'avais dit, hein, tant que le jackpot n'a pas été gagné, je continue mes blagues idiotes. Alors attention, que fait un Américain avant de mettre ses chaussures et massa chaussettes. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là j'arrêterai mes blagues. Là oui, merci loto. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. À 6 heures de discussion n'auront pas suffi, la grève à la SNCB est mise entre parenthèses, mais pour quelques jours seulement, elle reprendra le 12 juin au soir. Les syndicats redoutaient des sanctions à l'égard des grévistes. Nous retournerons dans ce journal à Nassogne, en province de Luxembourg. L'eau a dévasté plusieurs parties de la commune. La commune qui tente de s'organiser pour voir comment elle peut aider les sinistrés. Cris de joie, autographes, selfies, les Diables Rouges débarquaient dans les écoles aujourd'hui. À Gosselies, visite de Laurent Simon et de Jason Denayer. Quatrième finale à Roland-Garros pour Novak Djokovic. Le Serbe a montré à Dominic Thiem qui était bien le roi du tennis. Le journal sur Vivacité avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Nous voulions éviter une cascade de punitions. Les trains vont à nouveau rouler dès ce soir 22h. Une reprise du travail, mais pour quelques jours seulement, parce que la réunion s'est terminée sur un échec. Les négociations n'ont abouti à rien. Et la grève va reprendre, mais dans quelques jours, avec un préavis cette fois pour couvrir les grévistes. Les syndicats redoutaient des sanctions. Alors que s'est-il dit durant la réunion et pourquoi cet échec? Écoutez Marianne Lerouge de la CSC. Nous sommes venus avec une proposition qui était sensiblement la même que celle de la CGSP et la société n'en a pas voulu. On a l'impression qu'on se braque sur ces fameux jours de crédit et sur les punitions et donc il n'y a pas de marche arrière possible par rapport à ça. Les agents qui continuent le mouvement s'exposent maintenant à des sanctions petit à petit. Mais c'est le cas depuis le premier jour en fait et ils le savent très bien, nous les avons prévenus. Mais des sanctions plus lourdes. Pas forcément, donc il n'y a pas forcément de gradation dans les sanctions ici dans ce cadre-ci. La direction ne s'est pas encore prononcée, donc on connaît le tarif pour les premiers jours, mais pas pour ces derniers jours. Donc ce sera à la direction de trancher là-dessus, c'est son rôle. Les explications de Marianne Lerouge au micro de Baptiste Tupin. La reprise normale du trafic ferroviaire va prendre 2 ou 3 jours. Les conducteurs des bus tech en grève, eux, vont-ils aussi reprendre le travail? Le oui a été voté à Namur, reprise dès demain. Oui aussi en Brabant-Wallon, mais la reprise sera complète lundi. L'Assemblée était houleuse au tech Charleroi. Le vote n'a pas été possible. La réunion est levée. L'Assemblée pourrait reprendre ce soir, mais une rencontre pourrait aussi avoir lieu avec la direction Carolo des Tech. Il n'y a ni bus ni métro à Charleroi depuis 3 jours. Et ailleurs, on attend toujours les résultats. Et les transporteurs routiers étaient silencieux depuis plusieurs semaines. Ils prévoient de nouveaux blocages dimanche soir dès 22h aux frontières de la Belgique. L'action risque de durer, prévient le syndicat des indépendants. Action contre la taxe kilométrique et les couacs du système. Le fédéral ferme plusieurs de ses centres d'accueil pour réfugiés, sans dire lequel, et n'active pas son plan d'accueil dans les communes. Oui, parce que les candidats réfugiés sont de moins en moins nombreux. Conséquence de la fermeture de la route des Balkans, explique le secrétaire d'État Théo Franck Blinken. Et selon lui aussi, le flux de candidats réfugiés serait retombé à son niveau le plus bas depuis 8 ans. Le plan de répartition entre communes n'est pas jeté, mais il est reporté. À Nassogne, en province de Luxembourg, le village a été envahi par des torrents d'eau la nuit dernière. Et le corps d'un homme qui avait disparu a été retrouvé ce matin. Il a été emporté en tentant de sauver ses ruches. L'eau est arrivée dans les rues et les maisons aussi, en quelques minutes à peine. Une puissance terrible. Elle a même arraché des portes de garage. Une vague a déferlé sur plusieurs rues. Et ce matin, toute la journée, les villageois ont constaté l'ampleur des dégâts. Écoutez Nathalie Anquinet. Elle travaille à la commune de Nassogne et c'est elle qui répond aux appels des sinistrés. La priorité pour les personnes, c'est d'abord de contacter leur assurance, de faire des photos et de voir avec leur assurance comment ils peuvent intervenir. Et nous, on arrive en second plan, plus pour faire le lien avec le service calamité. Donc, on propose aux personnes de prendre contact avec nous, de se faire connaître, pour nous pouvoir faire une liste non exhaustive, mais une liste assez réaliste des personnes qui ont été impactées par des dégâts lors des inondations, des coulées de boue. Maintenant, a priori, suivant le responsable des calamités, le responsable du centre de crise de la région Wallonne, les crues étant exceptionnelles, il y a beaucoup de chances que ce soit reconnu comme calamité. La liste reprenant les personnes sinistrées de la commune est-elle importante en nombre ? Oui, on a eu pas mal de coups de fil ce matin, un petit peu moins cet après-midi, mais par exemple sur Masbourg, on a un monsieur qui fait le tour des différentes maisons où il y a eu beaucoup de dommages pour pouvoir nous donner la liste. Une interview signée Sébastien Joris, Masbourg, un village de l'entité de Nassogne, lourdement touché par les débordements de la Masblette. Et il faut encore s'attendre à de nouvelles pluies et même des orages dans les prochaines heures, orages qui viennent d'Allemagne. Ils seront à nouveau concentrés sur la moitié sud du pays. En France, la Seine, elle a atteint les 6 mètres, niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis une trentaine d'années. Les berges sont englouties et cela donne de très jolies photos. Cela dit, ailleurs, les sinistrés ont autre chose à faire que de s'émerveiller. Les crues et inondations devraient même coûter 600 millions d'euros aux assureurs. 20 000 personnes sont évacuées. On les retrouve dans les écrans plats, dans les tablettes, les lampes de chevet. Parfois, les ampoules LED sont partout. Oui, parce qu'elles sont économiques d'abord, mais elles peuvent être dangereuses. Mise en garde très sérieuse, elle vient du Conseil supérieur de la santé. Être exposé trop souvent à la densité bleue artificielle des lampes LED, cela abîme la rétine et les yeux des enfants y sont particulièrement sensibles. Pas question de rester trop longtemps exposé avant l'âge de 8 ans, conseille Dilde De Koning, pédiatre et ophtalmologue. Dans ma salle d'attente, tous les enfants ont soit un iPhone ou un laptop en main. Ils sont occupés en train de regarder l'écran pour passer le temps. Mais bon, ils font ça dans ma salle d'attente, ils font ça chez eux à la maison aussi. Ce qui pose surtout problème, c'est de faire ça trop longtemps, trop tard. Voilà, on peut vraiment donner les conseils aux enfants, aux jeunes enfants surtout, c'est de ne pas se fixer de façon très prolongée de près sur quelque chose. Et pas trop tard. Aux jeunes parents, avec des tout petits, moi je conseille même de limiter qu'à une demi-heure. Des propos recueillis par Catherine Tonnerot. C'est peut-être votre rêve, échanger quelques balles avec un diable rouge. Eh bien votre rêve, des dizaines d'enfants l'ont vécu en vrai. Et tant qu'à faire, ce sont les joueurs qui sont venus aux enfants dans les écoles. Des écoles récompensées parce qu'elles ont favorisé les contacts entre enfants et seniors. Cri de joie et étincelle dans les yeux, c'est un reportage de Caroline Landswert et de Maxime Paquet. Scène de liesse et d'euphorie à l'école primaire, les Marlères. On n'en a jamais vu, alors on est contente d'aller voir. Ils sont très beaux. Ils sentent bon. La visite de Laurent Simon et Jason Denayer, ils l'ont mérité. Ils se sont mobilisés pour envoyer des doudous en tissu à des enfants qui vivent séparés de leur famille. 17 enfants pris en charge par l'ASBL l'accueillent à Gosly. Nous avons affaire à un public de parents très défavorisés. Geneviève Aken dirige l'ASBL. Et c'est vrai que ce monde du football est un monde évidemment qui amasse beaucoup d'argent. Nous, parfois, on les envie parce que pour encadrer ces enfants-là, nos subsides sont nettement insuffisants. Les footballeurs, je pense qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et pour donner aussi du plaisir et du bonheur. Hein. Donc c'est important aussi. Et c'est bien conscient de leur capital sympathie que les joueurs sont venus rendre visite aux écoliers. Laurent Simon et Jason Denayer. C'est des choses magnifiques de rencontrer des enfants et de voir leur sourire. Pour nous, c'est magique aussi. Et c'est toujours important d'encourager les enfants, qu'ils sachent qu'il y a des enfants qui ont moins de chance qu'eux. Et que c'est pas pour ça qu'il faut les laisser de côté. Un engagement surtout symbolique de l'équipe nationale. Même si à bien tendre l'oreille parfois, solidarité et chants de supporters peuvent se rejoindre. Et vous avez entendu, les Diables Rouges sentent bon. Ben nous, on les attend en studio. Hein. Et alors ça, c'est avant le match aussi. Hein. Je voudrais bien voir après un match si la réaction est toujours la même. Pas sûr que ça sente toujours la rose. Il y a bien quelqu'un qui peut tester. On va demander à Thierry Luters. Ah ben, on demandera à Thierry d'aller renifler un joueur après un match. Il va apprécier. Merci Delphine. Il est 18h08. On part sur les routes juste avant le journal des sports. C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Bonsoir. Oui, bonsoir Cyril. Bonsoir à toutes et tous. Avec une bonne nouvelle tout d'abord, c'est qu'un grave accident, un accident important s'était déroulé tout à l'heure sur le 411 Bruxelles-Namur à hauteur de Bierge. La chaussée est à présent dégagée, mais vous ralentissiez et vous ralentissez encore depuis le carrefour Léonard pratiquement. Vous perdez encore une bonne grosse heure en direction de Namur. Il faut donc le temps que les fils se résorbent. Vous ralentissez dans Bruxelles, dans le tunnel Boileau vers Mézières, du tunnel Arlois, tunnel Leopold II vers la Basilique concernant le ring. Ça va un tout petit peu mieux tout à l'heure. 32 minutes supplémentaires quand même pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 29 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 28 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard et plus 12 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Toujours des ralentissements également sur le 411 Arlon-Namur dans le chantier entre Ciney et Assès. Des ralentissements donc. Et puis de gros embarras de circulation sont signalés dans le centre de Liège et aux alentours des quais. Sur la 602 vers Chesnay depuis Longsaint, vous perdez également une bonne grosse quinzaine de minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. Europassistance.be, you live, we care. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Françoise Aleski. Bonsoir François. Bonsoir Cyril. Alors on va parler de Philippe Gilbert, victorieux pour son retour. On va parler des Diables Rouges aussi sur les bancs de l'école. Mais on commence ce journal des sports à Roland-Garros où les affiches des finales sont déjà connues. Oui, ça n'a pas traîné en demi-finale tout simplement parce que les favoris étaient au rendez-vous. Serena Williams et Garbine Muguruza chez les dames. Novak Djokovic et Andy Murray chez les messieurs. Christine Anquet, vous suivez ce tournoi de Roland-Garros pour la RTBF. Djokovic et Murray, c'était vraiment les plus forts aujourd'hui. Oui, très fort, très impressionnant tous les deux. Alors pour Novak Djokovic, vous savez qu'il est à la quête de ce titre. C'est une quatrième finale à Paris. C'est la quatrième chance en cinq ans d'enfin remporter le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. C'est le patron du tennis mondial, tout simplement. Il détient les trois autres tournois du Grand Chelem. Et aujourd'hui, il n'a laissé absolument aucune chance à l'Autrichien Dominic Thiem, le tombeur de David Goffin hier. Il l'a écrasé en 3-7, 6-2, 6-1, 6-4. Et le numéro 1 à l'ATP rencontrera dimanche le numéro 2, Andy Murray, qui jouera sa première finale à Roland-Garros. Il vient d'éliminer le tenant du titre, Stan Wawrinka, 6-4, 6-2, 4-6, 6-2. Murray, il est passé à deux points de la défaite au premier tour. Il a encore eu des soucis au deuxième tour, mais depuis, il est carrément impérial. Même aujourd'hui, il a perdu un set d'accord, mais il était vraiment largement au-dessus. Alors, chez les dames, Christine, pas de surprise non plus hein, de retrouver Serena Williams contre Garbine Muguruza. Non, Serena Williams, donc c'est la quatrième finale aussi à Paris, donc ce sera la quatrième finale à Paris demain. La différence avec Djokovic, c'est bien sûr qu'elle a déjà remporté le tournoi à trois reprises. Aujourd'hui, elle a battu la néerlandaise Kiki Bertens 7-6-6-4, sans bien jouer, attention, et en souffrant des adducteurs, attention une nouvelle fois. Elle ne sera pas à l'abri du tout demain, en finale, face à l'une des meilleures représentantes de la nouvelle génération, cette espagnole Muguruza, qui est jeune et qui est quatrième mondiale déjà et qui a battu l'Australienne Stosur 6-2, 6-4 aujourd'hui. Eh bien, ça promet, on vous retrouvera pour cette finale demain, Christine. Merci beaucoup. On ajoute que David Goffin a lui déclaré forfait pour le tournoi sur gazon de Rosmalen, extrêmement fatigué par son parcours parisien. Le Belge ne disputera pas le tournoi néerlandais dont il avait atteint la finale l'année passée. En cyclisme, le retour gagnant de Philippe Gilbert. On a écarté des pelotons depuis le 20 avril dernier et sa fracture du doigt. Gilbert avait choisi le Tour du Luxembourg pour son retour et aujourd'hui, il a déjà levé les bras au terme de la deuxième étape. Une arrivée en côte qui lui convenait particulièrement bien. Éric Bussienne a demandé à Philippe Gilbert s'il avait ressenti des douleurs à la main lors de cette ascension. En fait, j'y ai pas pensé. J'étais vraiment concentré dans l'effort et j'ai essayé de me concentrer sur ma course et ça est passé. Moralement, elle fait du bien cette victoire? Ouais, je veux dire, il n'y a pas de petite victoire, il n'y a pas de course moins importante. Toutes les courses sont importantes et il faut toujours essayer de gagner, donc c'est le but. Et voilà, j'avais un peu d'interrogation au départ, je ne savais pas trop où j'en étais, etc. Où en était ma condition, etc. Je savais que j'avais bien bossé, mais voilà, j'ai pas pu roulé beaucoup à plat, j'ai fait énormément de montagnes, etc. Donc je ne savais pas si j'allais avoir la vitesse des jambes pour faire les simulations de course, etc. Donc voilà, je suis resté dans les roues au maximum et je me suis économisé et à la fin j'ai tout donné. Philippe Gilbert au micro d'Éric Bustienne. On note aussi le changement de leader sur ce tour du Luxembourg. C'est le Néerlandais Lammertin qui a pris les commandes du général. Après une copie imparfaite mercredi face à la Finlande, les Diables Rouges étaient de retour sur les bancs de l'école aujourd'hui. En visite seulement, je vous rassure, nos Diables se sont octroyés une petite bulle d'oxygène dans leur préparation pour l'Euro. Ils se sont répartis pour visiter 10 écoles du pays dans le cadre d'un concours organisé par Ouf TV. Une belle manière de faire plaisir à leurs plus jeunes fans et d'oublier les critiques qui s'abattent sur l'équipe depuis ce match face à la Finlande, mais aussi une bonne façon de se rappeler qu'eux aussi, quand ils étaient petits, ils étaient supporters. À Christian Benteke se souvient même des joueurs qu'il préférait à l'époque. C'était les frères Mpenza, j'étais fan d'eux, je les aimais bien. C'était des Diables Rouges aussi. Surtout, hein. Bah, quand t'étais petit, tu supportais que ça, donc fallait bien faire un choix. C'est grâce à vous, les supporters, qu'on sait mieux s'exprimer sur un terrain de foot, parce que si tout le monde est là en train de vous critiquer, ça devient plus difficile pour nous. Ah, avec les enfants, il n'y a pas de pression, c'est juste le plaisir. Ils viennent pas voir pour qu'on gagne les matchs, ils viennent voir comme si c'était un spectacle. Ils viennent voir des beaux gestes, ils viennent voir, voilà, ils viennent voir un tout, mais que les journalistes, ils préfèrent avoir des résultats. C'est juste un jeu, ça. Allez, courage tout le monde. Être avec sa famille, être avec ses proches, c'est d'autant plus important. Donc voilà, les trucs comme aujourd'hui, ça me fait penser à ça, être avec mes enfants. Donc on est surtout dans une période où on les voit pas trop, comme on doit se préparer pour l'Euro. Mais voilà, c'est des petites pensées qui font toujours plaisir. Christian Benteke, Yannick Carrasco et Eden Hazard qui ont offert des souvenirs inoubliables à ces écoliers. Ils étaient au micro d'Arnaud Montero et Guillaume Gilbert. Cela dit, la classe est déjà terminée pour nos Diables qui ont repris le chemin de l'entraînement à Genk. Marouane Fellaini et Yannick Carrasco ont eux reçu des soins. Ils étaient absents lors de cette séance. On espère qu'ils feront mieux dimanche quand même. Hein. On attend un petit peu d'eux. C'est certain. J'espère. Foot et justice à présent et des nouvelles révélations dans le dossier FIFA. Il s'agit d'enrichissement personnel cette fois, Cyril. On apprend que sur les 5 dernières années, Sepp Blatter et ses ex-bras droits Jérôme Valk et Marcus Kattner se sont partagés 80 millions de dollars et cela via des bonus et autres compensations. En athlétisme, Usain Bolt pourrait perdre une médaille olympique à cause de son compatriote Nesta Carter. Nesta Carter qui est l'un des 32 athlètes contrôlés positifs après réanalyse des échantillons des JO de Pékin en 2008. Si ce contrôle positif, un stimulant est confirmé. Carter et ses équipiers perdront leur médaille d'or au grand dépit donc d'Usain Bolt, Asafa Powell et Michael Fretter. En basket, deuxième manche de la finale des playoffs chez nous ce soir. Ostende mène 1-0 face à Alost, mais ce sont les Alostois qui auront l'avantage du terrain aujourd'hui pour tenter de revenir à un point partout. En tennis de table, cette fois Jean-Michel Sèvres rempile, et oui, pour 2 ans. À 46 ans, le pongiste liégeois a re-signé un contrat de 2 années donc avec son club du Logis Odergem. Encore une médaille aussi pour la Belgique au championnat du monde de kayak en Bosnie. Après le titre de Maxime Richard en individuel hier en descente de rivière, c'est cette fois en équipe que les Belges se sont illustrés. Bram Sikens et Guido De Prins ont décroché le bronze. Enfin, le sport moteur est en deuil. L'Espagnol Luis Salom est décédé des suites d'un accident. Ça s'est passé lors des essais libres du Grand Prix de Catalogne en Moto 2. Luis Salom qui n'avait que 24 ans. Merci François pour ce journal des sports. Très bonne soirée et bon week-end. Il est 18h16. Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Et jusqu'à 19h, émission un petit peu particulière, puisqu'on va changer nos habitudes du vendredi soir, en accueillant et en musique, s'il vous plaît, le patron. Ça vous va comme musique, ça, Eric Gilson? Vous en faites un peu trop. Hein. Un tout petit peu. Non, je suis gêné. Descendez de votre bureau dans le studio pour répondre aux auditeurs aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de discours tout préparé, tout ça, on est d'accord? Non, bien sûr, on est prêt à répondre. Enfin, je suis prêt à répondre à toutes les questions, s'il y en a. L'idée, c'est vraiment de faire le bilan de la saison écoulée, qui a été, à notre avis, une bonne saison. En tout cas, on a eu des bons scores d'audience. Et puis, de faire un peu le point avec les auditeurs. Qu'est-ce qu'ils apprécient? Qu'est-ce qu'ils voudraient voir changer? Puisqu'on est en train de travailler à la fois sur notre grille d'été, les programmes d'été, et puis très vite aussi les programmes de la rentrée de septembre. Alors hier, on avait Jean-Yves Vaillé au téléphone, qui est pédopsychiatre. Il intervenait sur un sujet qui n'avait rien à voir avec votre venue aujourd'hui, mais il a déclaré quelque chose pendant cette émission d'hier, et je voudrais juste qu'on démarre avec cette réaction de Jean-Yves. Hier, c'était en direct dans l'émission. Je vous propose de réécouter ce qui s'est passé. Comme ça, c'est juste un petit accueil pour vous. Quoi, d'accord, Eric, d'accord. Hein, voilà. Imaginez votre patron là qui va venir une heure Eric, demain. Ouais, demain. Ouais, ouais. Si au lieu de vous enguirlander, il félicite publiquement l'un ou l'autre, et si en plus il donne une petite prime parce que vraiment vous avez bien bossé. Alors ? Alors ça c'est téléphoné, ça. Vous l'avez obligé on à dire ça. On lui a rien fait. Demandé. D'accord. Mais je trouve que c'est une très bonne réaction de Jean-Yves, et en tout cas une très belle interpellation, mais je vois que vous bottez en touche. Non, les félicitations, vous les avez. La prime, par contre, je vais un peu réfléchir. Tout de suite. Bon, si vous avez des questions à poser à Eric Gilson, le directeur de Vivacité, 3063 par SMS, et sur la page Facebook de Vivacité également, vous arrivez à l'antenne dans un instant. Besoin d'échelle, d'échafaudage et d'autres systèmes pour accéder en hauteur ? Visitez Germont Carrière à Wandre. Spécialiste depuis plus de 70 ans. Germont Carrière, avenue de l'Indépendance, 57 à Wandre. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Le futur vous ouvre ses portes chez Nissan Bylance à Liège et à Serein. Du 3 au 11 juin, profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les dernières technologies Nissan. Nissan Bylance, boulevard de Douai à Liège et zoning de la Troque à Serein. Ouvert dimanche 5 juin. Nissan, innovation that excites. Il découvre RTBF Ovio. J'adore aller au cinéma, donc je vais regarder dans la barre de recherche cinéma ce qu'ils proposent. Voilà Burkland. 2 épisodes à découvrir, purée. C'est fantastique. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Litry Joas à Liège, la référence depuis plus de 70 ans. Litry Joas, toutes les plus grandes marques de matelas au meilleur prix. Nous vous livrons gratuitement et nous vous débarrassons de votre ancien matelas. Litry Joas, l'incontournable maison de confiance, rue Jean Doudremeuse à Liège. Sport Foot Magazine. Les bouche bée, les commentateurs les plus survoltés. À partir du 1er juin, l'édition spéciale Euro 2016. Sport Foot Magazine, vivez le foot, en vente maintenant. Et si vous aviez un webshop, comme celui que Catherine du Boudoir de Jeanne à Liège est en train de tester gratuitement pour l'instant? Oui, le Boudoir de Jeanne est une parfumerie différente située en Outremeuse à Liège. Parfums, maquillage, produits de soins pour femmes et pour hommes, elle connaît déjà un grand succès. Mais si vous n'avez pas la chance de venir nous voir dans notre belle cité ardente, vous trouverez désormais aussi le Boudoir de Jeanne sur Internet. Intéressé ? Surfez vite sur cbcpopupwebshop.be. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Maintenant chez Sélection, un Canon Ixus 285 Essential Kit avec deuxième carte et housse offerte pour 229,95€. Sélection, meilleur et pas plus cher. Chez Decathlon et sur decathlon.be, les temps de Quechua se montent et se démontent en deux temps trois mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Oh les gars, on voit plus rien là, faut qu'on se pose. Mais aussi pour tous les... Hé, les enfants, regardez le sommet. Quand on y est, on monte le camp, d'accord? Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Même si le patron est là aujourd'hui sur Vivacité en direct, on va s'intéresser à notre estomac dans quelques minutes. C'est le Dico Foot qui arrive avec Candice Cotter. Mais juste avant, vos premières questions au 3063 à Eric Gilson qui ce soir est en direct jusqu'à 19h pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations sur Vivacité. On va accueillir Eric, le premier auditeur, vous êtes d'accord? Pas de problème. On va à Bruxelles. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. On vous écoute. Je vous appelle pour l'émission du matin, là, le débat avec Sébastien Maréchal. Il y a toujours des très bons débats que j'écoute de A à Z. Les questions sont toujours... Il est vraiment très intelligent, mais forcément. Il coupe la parole à tout le monde. C'est insupportable. Quand est-ce que vous allez, monsieur le directeur, enfin... trouver quelqu'un d'un petit peu convenable. C'est vrai qu'il coupe souvent la parole à tout le monde, et nous par contre on ne lui coupe pas la parole quand il intervient à l'antenne. Hein, c'est vrai, exactement. On aurait dû lui couper la parole au milieu de sa phrase. Hein. Bonsoir Benjamin. Mais pas du tout. Absolument pas. On vous a reconnu, mais vous faites bien de poser la question parce que beaucoup d'auditeurs l'ont posé. Hein. Souvent, on me la pose. Alors, vous voulez ma réponse, monsieur le directeur? Ben oui, j'aimerais bien savoir. Quel est votre problème, Benjamin? Dites-nous. Alors, d'abord, je dis que c'est le directeur qui me demande de le faire. Comme ça, ça vous charge un peu. Et les gens me disent, quel désagréable, ce directeur. Je dis, vous avez bien raison, madame. Non, et après, c'est ce que je dis toujours, c'est ce qui différencie une conversation, un question-réponse, c'est ça qu'on veut faire le matin. Une conférence. Une conférence, c'est monter sur l'estrade et parler jusqu'au moment de la fin. Qu'on essaie de faire ici, c'est une conversation. Donc je me suis dit que pour vous faire gagner un peu de temps, les gars, j'allais poser la question moi-même, comme ça vous étiez tranquille. Eh bien c'est bien, comme ça le problème est réglé, la question a été posée, et tu as répondu Benjamin, donc c'est parfait. Bonne soirée Benjamin. Donc je ne suis pas viré, monsieur le directeur. Mais non, pas demain matin, mais à lundi matin en tout cas. Bon week-end. Vous avez jusqu'à la fin de la saison. Que c'est monsieur Philippot qui veut qu'on coupe la parole à tout le monde. Bonne soirée, les gars. Le message est passé. Bonne soirée, Benjamin. On va chez Christaki. Bonsoir, Christaki. Bonsoir. Bienvenue. Vous aviez une question pour Éric Gilson, le directeur de Vivacité. Oui, c'est bien ça. Voilà. J'adore beaucoup les émissions de Complètement Foot, mais je trouve qu'il manquerait peut-être une petite émission sur la Formule 1. D'autant que la RTBF allait droit. Donc peut-être qu'il y a des spécialistes qui pourraient peut-être faire des émissions de débriefing, comme il existe peut-être en France sur RMC par exemple. Oui, mais cela dit, on parle aussi de Formule 1. C'est vrai qu'on parle beaucoup de football, j'en conviens. On parle aussi de Formule 1. Par contre, c'est vrai que notre partenaire et nos amis de Classic 21 sont un peu les spécialistes du sport moteur. Donc nous, sur Viva, on a beaucoup de sports, des sports très médiatisés, d'autres un peu moins. On parle aussi de Formule 1, même si la couverture est sans doute moins importante que pour le football. Sur Classic 21, par contre, vous avez aussi des rendez-vous chaque fois qu'il y a des grands rendez-vous de Formule 1 ou de sport moteur, de sport moto aussi. Mais sur Classic 21, ils suivent ça de très près. Et nous le suivons, nous, d'un petit peu plus loin. Voilà. Mais je ferai la remarque à la rédaction des sports pour leur dire que voilà, certains comme vous voudraient plus de F1, pourquoi pas. Oui, mais surtout que je préfère rester chez vous. Non mais Classic 21 sont des amis, hein, c'est l'étage au-dessus. Oui, donc, non, je sais bien. Voilà. Et ça nous permet, le fait qu'eux parlent de F1, ça nous permet quand on fait des matchs Vivacité Classic 21 en foot, on les écrase à chaque fois. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, hein. Christaki. Ah oui, bah oui. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Pardon. Dit, j'adore le foot, donc il n'y a pas de problème non plus. Merci de nous écouter en tout cas. Bonne soirée. Je vous en prie. À bientôt. Bonne soirée. On change de commune. On va tout de suite chez qui? Au téléphone. Chez Georges. Bonsoir, Jean. Jean, pardon. Bonsoir. Jean, soyez le bienvenu sur Vivacité. Vous parlez au patron, vous avez de la chance. Absolument, j'en ai conscience. Il vous écoute. Eh bien voilà, moi je voulais avoir une petite réaction par rapport aux jeux que j'entends, notamment le dimanche matin dans une émission touristique, où la seule façon d'accès est le SMS. Et ben voilà, je trouve que c'est un petit peu compliqué d'envoyer le SMS, de rapidement mettre ses coordonnées, la réponse, et que c'est quand même beaucoup plus simple par téléphone. Oui, je vous comprends. En fait, le SMS, il est bon de le rappeler, c'est surtout pour nous un outil très facile à utiliser, en fait. Parce que quand vous prenez les jeux par téléphone avec des standardistes qui doivent répondre, forcément, quand on a au même moment 100, 200 ou même plusieurs centaines d'appels, on ne sait répondre qu'à quelques-uns de ceux-là. Par contre, les SMS, ben, c'est vrai qu'on peut recevoir 10, 20, 30 SMS très rapidement. Et pour l'animateur ou les personnes qui font l'émission, c'est très facile à consulter aussi, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus léger comme outil pour nous. Maintenant, pour vous, je comprends que rédiger un SMS avec toutes ces coordonnées, c'est un peu plus long peut-être. Mais donc, on essaye de garder encore des jeux où on peut appeler simplement, mais c'est moins simple à gérer pour nous, je vous l'avoue. Ben oui, mais pour nous, dimanche matin, un SMS, c'est assez laborieux aussi. Voilà. Eh bien écoutez, on va faire un effort et on va voir si on peut rééquilibrer les choses alors. Je vous donne le numéro d'Eric peut-être, comme ça quand vous voulez jouer, vous l'appelez directement. Ben, envoyez-moi un SMS plutôt. Nous allons faire comme ça, sans problème. Merci beaucoup en tout cas. Jean, merci. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Il est 18h26, si vous avez des questions à poser à Eric Gilson, le directeur de Vivacité, profitez-en cet après-midi, il est là jusqu'à 19h. 3063 par SMS ou sur la page Facebook Vivacité, vous pouvez poser vos questions. Si vous avez envie de dire que quelque chose vous plaît, vous pouvez le faire aussi, parce qu'on aime bien aussi de temps en temps, on ne va pas se mentir. Mais bien sûr. Mais s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, vous avez le droit aussi. Donc 3063 par SMS et sur la page Facebook Vivacité RTBF. 5 à 7. Viva. Allez, arrête-toi. Allez. Ah, enfin quelqu'un qui s'arrête. Bonjour. Vous allez en direction de Forêt? Je vais au concert des Strolling Rocks. Strolling Rocks? C'est nous les Strolling Rocks! Oh, come on, jump in! Oh, trop bien! Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Polo de Volkswagen. En ce moment, climatisation et peinture métallisée gratuite. Mais aussi une réduction exclusive de 2000 euros. Plus d'infos chez votre concessionnaire Volkswagen ou sur volkswagen.be. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Vivacité présente les 10 miles de Charleroi, le dimanche 19 juin dès 15h. À l'occasion de la brocante des quais, venez courir 5 ou 10 miles sur un parcours urbain unique au départ de la place de la Digue. Sans oublier la course pour enfants et le village d'accueil. Infos et inscriptions sur 10milescharleroi.be. Avec le soutien de l'aéroport de Charleroi et Plastic Waters. Des de vos souhaits, les mens. Oublie pas que demain, on a un grand barbecue, hein. Et alors? Ah bah, il faut pas se coucher trop tard. Bah, pourquoi? Parce que si on veut être en forme, faut qu'on aille au lit. Oui. L'aille au lit qui donne du goût à l'été. La voilà. De vos les mens. À table. Vous voulez faire de bonnes affaires? Alors j'ai un bon plan pour vous, mais rien que pour vous, hein. C'est la braderie au shopping qu'aura recours, mais chut. Et oui, de mercredi à samedi, Braderie a vous coupé le souffle dans l'hyper et toutes les boutiques du Shopping Cora au cours. Alors surtout, ne le répétez à personne et faites un max de bonnes affaires. Shopping Cora, toutes vos envies bradées dans un lieu unique. On n'est pas des pigeons, vous non plus. Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Actuellement chez Jean-Fils, conditions irrésistibles sur chauffage, poêle à bois et pellet, solaire climatisation et pompe à chaleur. Profitez de nos conditions printemps, remises complémentaires et de nombreux cadeaux offerts dans tous nos départements. Jean-Fils à Verlaine. Le sparadrap, le complexe vitaminé, la crème amincissante, le lait en poudre, les huiles essentielles, la brosse à dents, le ticket de caisse. Heureusement maintenant, il y a Medimarket, plus de 8000 produits de soins au prix les plus bas. Le portefeuille. Alléluia. Et aujourd'hui, coup de pouce pour préparer votre silhouette à l'été. Jusqu'à 50% de réduction sur nos produits minceurs. Info sur Medimarket.be. Medimarket, prenez soin de vous. Voici les titres de l'actualité avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. À Nassogne, dans la province de Luxembourg, le corps de l'apiculteur emporté par le courant. Hier soir, le corps de cet homme a été retrouvé en début d'après-midi. Très fortement touché par les inondations, Nassogne sera sans doute déclarée zone sinistrée par le gouvernement wallon et le fonds des calamités sera très vraisemblablement déclenché dans la région. L'alerte rouge au cru reste de mise pour l'homme et ses affluents. Soyez prudents, d'autant que les averses reviennent ce soir par l'Allemagne, elle pourrait être intense et se transformer en orage. Le trafic va reprendre dès 22h ce soir sur le rail, mais un préavis de grève a été déposé pour une semaine à partir du dimanche 12 juin. Préavis déposé par la CGSP Cheminots. Les syndicats ne sont toujours pas tombés d'accord avec la direction du rail dans le conflit qui les oppose depuis maintenant 9 jours, à savoir les fameux jours de récupération. Du côté des bus des techs, la reprise s'annonce également, mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Le travail va reprendre dès demain à Namur, partiellement en Brabant wallon et à la Louvière, mais pas avant lundi. Beaucoup de tensions aussi à Robermont près de Liège, mais au final, c'est la reprise qui l'emporte. Pas à Charleroi où on a voté à main levée en fin d'après-midi. Le vote était serré, mais au final, la CGSP a décidé de maintenir le blocage. Et puis un mot de tennis, on connaît l'affiche de la finale messieurs de Roland-Garros. Ce sera Novak Djokovic contre Andy Murray dimanche. Le numéro 1 mondial a battu Dominic Thiem, tombeur de David Goffin. Et puis l'Écossais venu à bout du Suisse Stan Wawrinka en 4 manches. Et puis la finale dames, Cyril opposera elle Serena Williams à Garbin Muguruza. Ça va être beau ça va être une belle voilà. Finale. Position merci David. Demain. Les femmes c'est demain. C'est pas trop stressant de faire le journal avec le regard fixé du patron sur soi qui, c'est qui... encore plus stressant que d'habitude. Je vous l'accorde. Mais vous aussi vous êtes stressé. C'est aujourd'hui. Il y a le patron quand même, on peut pas faire des boulettes. On peut pas faire n'importe quoi. Non, on peut pas faire n'importe quoi. Merci David. C'est pour toutes les fois où je fais n'importe quoi. Merci, à tout à l'heure, 19h. Un petit point sur la météo avec Dominique. Oui, avec encore des averses pour la nuit prochaine qui vont se propager à toutes les régions. Puis on aura aussi droit à des nuages bas et du brouillard, minima de 11 à 14 degrés. Le week-end restera gris, humide, mais doux. De la pluie, un petit peu dans l'après-midi quand même. Et des maximum maxima de 20 à 24 degrés. Dimanche, 25 degrés. Et le début de la semaine prochaine, on va déjà le noter, sera très doux, mais avec toujours ce risque de dégradation en cours de journée. Merci Dominique. On part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Beuvy. Oui, avec toujours quelques ralentissements dans les tunnels de la capitale. Sur le ring de Bruxelles, ça reste encore assez conséquent quand même comme ralentissement. Plus 42 minutes par exemple pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, mais c'est lié à l'accident dont je vais reparler dans deux secondes. 34 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 23 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre. Alors l'accident, effectivement, c'est un accident assez important qui s'est déroulé tout à l'heure sur la E411 Bruxelles-Namur à hauteur de Bierge. Les fils remontaient jusqu'au ring tout à l'heure. Maintenant, la chaussée est dégagée, mais vous perdez encore une grosse vingtaine de minutes sur plus ou moins 9 km en direction de Namur. Mais voilà, d'ici quelques minutes, il n'y paraîtra plus, mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Vous ralentissez toujours également dans le chantier entre Ciney et Assé sur le 411 Arlon-Namur en direction de Namur. Et puis toujours, ces gros problèmes de circulation dans le centre de Liège et aux alentours des quais, ainsi que sur l'A602 vers Chénet à partir de Loncin, vous perdez un gros quart d'heure. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Dans un instant, un petit peu de musique. Ce sera sur un air d'Italie, puisqu'on fête les 70 ans de l'immigration italienne toute cette semaine sur Vivacité. Et donc, on revient sur les classiques italiens. Et puis, jusqu'à 19h, Eric Gilson, le directeur de Vivacité, est en studio. Vous confirmez, vous êtes là. C'est oui, pas un robot. Je suis bien là, oui. Et vous répondez à toutes les questions des auditeurs, 3063 par SMS et sur la page Facebook Vivacité RTBF. Marie-Claire est avec nous au téléphone. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir. Alors, monsieur. Quelle est la question que vous voulez poser à Eric? Mais je voulais surtout lui demander et lui dire que j'aimais beaucoup l'émission de La vie du beau côté avec Sylvie Honoré. Et je sais qu'à l'heure actuelle, ce qui est important, ce sont les audiences. Mais j'espère de tout cœur que cette émission restera longtemps parce que vraiment, pour moi, c'est formidable. Sylvie fait ça d'une façon remarquable. Et cette émission m'apporte énormément, comme je pense à beaucoup d'autres personnes. Alors voilà, ben, j'espère simplement que cette émission restera longtemps à son Vivacité. Et je vous félicite pour ce programme en tout cas. Eh bien, j'espère que Sylvie vous écoute. Ah ben j'espère surtout, oui. Et alors, j'aimerais aussi faire une petite suggestion, c'est que justement dans son émission, elle propose souvent des livres, des invités qu'elle reçoit. Et je me demandais si par exemple, voilà, de temps en temps, vous ne pourriez pas demander à vos invités de laisser un exemplaire de leur livre et de temps en temps nous permettre d'en gagner, quoi. Parce que c'est vrai que oui, c'est toujours super intéressant, mais voilà, on ne sait pas tout acheter, tout faire. Et donc, il y a toujours plein de choses intéressantes, des références, des stages et tout. Et donc, je me dis, ben voilà, la chaîne concurrente, par exemple, a une émission où ils font ça et de temps en temps, ben, ils offrent. Et je me dis, tiens, ben voilà, pourquoi pas, de temps en temps, mettre sur votre site l'occasion de gagner un exemplaire ou l'autre des livres qu'elle présente. C'est parce qu'Eric a tout dans son bureau. C'est lui qui prend tout. Non, pas du tout, ne le croyez pas. Non, mais c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, Marie-Claire, et je vais en parler à Sylvie. C'est vrai que, pourquoi pas, effectivement, donner quelques exemplaires du livre dont elle a parlé en fin d'émission. Oui. Très bonne idée, je la note, Marie-Claire. Voilà. Mais surtout, essayez de penser aussi pas rien que Facebook, parce que tout le monde n'est pas sur Facebook. Non. Et donc, voilà, je pense que c'est important aussi de pouvoir permettre alors à tout le monde d'avoir la chance de peut-être gagner. Mais en tout cas, vraiment, bravo pour cette émission et j'espère de tout cœur qu'elle continuera longtemps parce que c'est vraiment super, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Claire, et merci pour Sylvie. Merci à vous aussi, en tout cas. Bonne soirée. Bonne soirée, Marie-Claire. Merci, au revoir. On va accueillir Marie tout de suite. Bonsoir, Marie. Bonsoir Cyril. Soyez la bienvenue, bonsoir, je vous présente Marie. Eric, bonsoir, le patron. Bonsoir Gilson. Votre question pour Eric Gilson. Oui, alors moi c'était plus une question qu'une réelle question, même si je voulais d'abord vous féliciter Viva pour Viva for Life, quand même, on n'en a pas encore parlé. Je voulais mettre en avant le fait que ça serait chouette pour Viva de plus mettre en avant les archives de notre pays, du patrimoine, et notamment via une pratique que beaucoup de personnes font en Belgique, qui est la généalogie. Donc, la recherche peut-être les façons d'y arriver, les différentes sources disponibles, évidemment en Wallonie parce que c'est l'audience principale de Vivacité, mais aussi pourquoi pas pour les auditeurs wallons à travers le pays d'apprendre comment s'y prendre et également les informations un peu insolites, des petites histoires sympathiques, émouvantes ou même parfois triste ou dramatique, ça existe aussi, qu'on pourrait mettre en avant dans des capsules ou dans des émissions de la chaîne. Mais voilà. Oui, pourquoi pas. Je vous avoue qu'on a eu une idée telle que celle-là il y a quelques années, je pense. On avait un contact avec quelqu'un qui aurait pu venir raconter l'origine des noms, les noms des personnes, les noms des rues. Ah, c'est passionnant tout ça. Et puis de là, dévier sur la généalogie exactement. Donc c'est une idée qui est dans nos tiroirs et on va essayer peut-être de la ressortir un de ces prochains jours. Il faut juste trouver le bon interlocuteur qui puisse venir en parler sur antenne, mais ça existe évidemment. Donc très bonne idée. Écoutez, merci pour votre idée, Marie. Merci beaucoup, je reste à votre disposition. Ah, très bien, voilà. je prends vos coordonnées alors. Bah, on va prendre vos dispos, on cale ça alors. Ah bah oui, il n'y a pas de souci, je suis là, il n'y a pas de problème. Très bien. Marie, très bonne soirée, bon week-end. C'est vraiment une bonne chaîne, vous aussi, c'est au gentil, revoir. Bonne au soirée. Revoir. On continue, hein, si vous avez des questions, 3063 par SMS et puis sur la page Facebook aussi, la page Vivacité RTBF. On va juste faire une petite pause, le temps d'écouter un petit peu de musique. D'ailleurs, il y a une question, Eric, qui arrive régulièrement par SMS. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de la musique dans le 5 à 7? Pourquoi il n'y a pas de musique? Bah, écoutez, c'est parce qu'on a des émissions musicales l'après-midi, en soirée, et puis on a des tranches horaires, des créneaux comme le matin entre 8h et 11h ou chez vous Cyril où il y a pas de musique, il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'interactivité avec les auditeurs. Voilà, c'est un choix. Donc il y a des tranches où il y a beaucoup de musique, d'autres où il y en a moins, et comme ça semble plaire à nos auditeurs, eh bien voilà comment on fait pour l'instant, mais ça peut changer évidemment dans le temps, hein. C'est voilà, ça veut dire à la rentrée, il y aura de la musique à ta place. Mon gars. Non, pas du tout. tu parleras beaucoup moins. Voici sur un air d'Italie, on revient sur les classiques italiens tout au long de cette semaine. Gelati, pizza, pasta e canzoni. Chanter, danser, respirer. Un'aria d'Italia. Sur un air d'Italie. Été 81, sur les radios libres enfin autorisées, les frontières s'ouvrent. On entend des airs venus d'ailleurs. Et c'est l'Italie qui chante Sarà perché ti amo. Le groupe Ricchi e Poveri, en français riche et pauvre, en est l'interprète. Angela, Franco et Angelo, le trio, inspiré du modèle américain des Mamas and the Papas, chante pas mal de reprises avant de rencontrer les auteurs italiens qui le mèneront au succès. Sarà perché ti amo. Ça doit être parce que je t'aime. Je chante au rythme de ta douce respiration. Serre-moi fort. Sur un air d'Italie. Quelques dizaines d'années plus tard, trois jeunes chanteurs italiens, énergiques et décalés, aux influences multiples, revisitent la chanson. Rico Balto et ses guitares enflammées s'amusent. Second degré et clin d'œil à leurs origines, c'est la version 2009 de Sarà perché ti amo. Che confusione! Sarà perché ti amo va séduire le cinéma. Claude Miller en fait le thème musical de son film L'Effronté. Charlotte, donne-moi ce marteau tout de suite. T'as qu'à venir le prendre si t'es si maligne. En une, t'as qu'à lever ton gros cul, je te dis. Avec la toute jeune Charlotte Gainsbourg, 13 ans, inoubliable dans son jean et t-shirt marin, sautillant au rythme de la chanson qui reviennent comme un leitmotiv pendant tout le film. Ah, tu verrais les affaires de Clara, hein, t'y croirais pas. Eh ben, tu sais ce que je crois, moi. C'est que ta Clara, elle t'a rien promis du tout. Et tout ça, c'est des rêveries dans ta petite tête de folle. Ben, attends, tu verras, attends. Avec son côté rengaine entraînante comme un hymne à la joie, Sarà perché ti amo, la chanson d'amour, tube de l'été 81, fait toujours son effet sur les jeunes gens sirotant una granita al limone au bar de la plage, dans le sable de l'Adriatique. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene. Sarà perché ti amo, e vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. Voilà une belle chanson italienne. Eric Gilson est le directeur de Vivacité. Il répond à vos questions jusqu'à 19h. Alors une question qui est arrivée sur vivacité.be, Eric, qui concerne justement la musique. Pourquoi pas plus de chansons françaises sur Vivacité? Parce que c'est beaucoup de chansons étrangères. Bah écoutez, on a plus ou moins la moitié de chansons françaises et la moitié de variétés internationales, comme on appelle ça. Voilà, c'est un équilibre qu'on a trouvé. Et puis ça dépend aussi des moments de la journée. Il y a des moments de la journée où il y a un peu plus de chansons françaises. On essaye de varier au maximum pour plaire à tous les goûts et à toutes les demandes des auditeurs. Vos demandes, vous les faites d'ailleurs par SMS 3063 et sur la page Facebook Vivacité RTBF. On va faire une toute petite pause avec de la pub. Il y a une question sur la pub qui arrive d'ailleurs dans un instant, Eric. Et puis on revient pour la suite de cette émission jusqu'à 19h. Jusqu'au 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Bellisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur bellisol.be. Bellisol. Dis maman, à l'école on a préparé un cadeau pour papa. Et toi, tu vas lui offrir quoi? J'ai pas encore son cadeau ma chérie, mais je sais où je vais le trouver. Chez Planète Parfum. Oh, un parfum! Bonne idée! Comme ça ses bisous vont sentir très bon. Fêtez papa chez Planète Parfum et profitez de 25% de remise sur le deuxième produit acheté. Offre valable en magasin et sur notre e-shop planèteparfum.com. Moustique. Cette semaine avec Moustique, faites du bruit pour nos diables. À ne pas manquer, dossier spécial Euro 2016. Un poster de notre équipe nationale et en exclusivité, l'indispensable Diabolica Moustique pour 4,40€ seulement. Moustique, l'hebdo qui... Vivacité et la Une présente les Belgian Air Force Days. Les 25 et 26 juin, pour les 70 ans de la force aérienne, la deuxième Wing Tactique de Florennes vous ouvre ses portes. Patrouille acrobatique, avion d'hier et d'aujourd'hui, hélicoptère, exposition, animation. Info belgianairforcedays.be. Avec l'avenir et Canal C. Plus de télé, c'est plus d'ambiance et aussi plus d'avantages. Jusqu'à mardi. Plus votre télé est grande, plus grand est votre avantage. À l'achat d'une télé 65 pouces, recevez une carte cadeau de 325€. Conditions en magasin et sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Cuisine Constant fête son anniversaire. À cette occasion, venez redécouvrir un des plus beaux showrooms de la région ce samedi et dimanche 4 et 5 juin. Profitez de nos conditions anniversaire tout le mois de juin. Cuisine Constant, un grand nom de la cuisine. Rue de la Clé à Médin-Soumagne, cuisineconstant.be. Il découvre RTBF Ovio. Et donc ici, je retrouve tous les podcasts radio. Je n'ai pas le temps de regarder, j'ai la petite épingle. Et voilà, c'est dans mon Ovio, je peux le regarder quand je veux à la maison. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Cinq secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. 75 ans de liberté, l'aventure ne fait que commencer. À découvrir aux établissements Constant les conditions 75e anniversaire de la gamme Jeep. Portes ouvertes les 11 et 12 juin. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Dès 19h sur Vivacité, vous avez rendez-vous avec Philippe Jonio comme tous les soirs. C'est le Tip Top, c'est la quotidienne. Et niveau musique ce soir, entre autres, du Yal. Je vois que Eric, le patron de Vivacité, est en train de danser sur Yal. Donc on sait que cette chanson-là, c'est vous qui l'avez choisie alors, hein, pour l'émission de ce soir. Je ne choisis pas les chansons. Vous choisissez quoi? Mais pas grand chose en fait. C'est vous qui faites tout. Ah, ben on va voir à quoi sert le patron dans un instant. Non, c'est vrai, vous choisissez rien du tout, vous non, décidez non, pas. Je veux dire qu'on a quand même une équipe hein, qui prépare toutes les émissions. Tout ce qu'on entend à l'antenne est préparé par une équipe de gens formidables toute la journée et même parfois la soirée et très tôt le matin. Donc voilà, on est quand même une centaine de personnes à Vivacité. Donc il y a les animateurs à l'antenne, ça c'est peut-être 15 ou 20 personnes. Et puis une centaine derrière qui travaille dans les coulisses pour tout préparer, pour que tout roule sur antenne. Voilà, et donc la musique, il y a ce qu'on appelle un bureau de programmation. Il y a deux personnes qui travaillent pour élaborer les conduites musicales de toutes les émissions, de journée, de nuit. C'est eux qui font ce boulot et ils le font plutôt bien, je pense. Exactement. Ils s'appellent Olivier et Jean-Michel, si vous voulez tout savoir. Il y a Noël qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Noël. Bonsoir Cyril. Bonsoir Noël. Noël. Bonsoir. Le patron directeur. Est là pour vous. Il vous écoute. Mais oui, je vous félicite d'ailleurs pour les 3 émissions que j'écoute le matin, le midi avec Sylvie Honoré. Là, je ne vais pas répéter ce que la dame a dit parce qu'elle a traduit toutes mes pensées. Oui. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à chaque fois, je râle sur ces publicités. Je trouve qu'elles sont tellement longues. Par exemple, sur l'émission de Sylvie Honoré du midi, oui. Je me dis, ça y est, je vais avoir la réponse d'un tel ou d'un tel, et paf, j'ai cette publicité. Et finalement, j'arrive à fermer le poste, quoi. Enfin, j'imagine que ça vous fait vivre. dites-moi. Oui, non, ça ne nous fait pas vivre. Comme nous sommes une radio de service public, c'est la différence entre les radios privées et les radios de service public. Les radios privées ne vivent que de la publicité, donc eux ne vivent que de cela. Nous, dans le service public, on a à la fois une dotation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et puis on a un petit pourcentage de publicité qui permettent de remplir les missions qu'on nous demande de remplir, et donc les programmes qu'on nous demande d'assurer pour être dans les régions, pour faire des émissions sportives, toute une série de missions, des émissions en langue dialecte aussi. Tout cela sont des obligations que nous on remplit et c'est ça qui justifie qu'on reçoive une dotation. Alors la publicité, ça permet finalement, parce que vous savez que dans les caisses de nos gouvernements, il y a un peu moins de sous qu'il y a quelques années, donc on ne reçoit pas beaucoup, et donc on doit compléter cette dotation avec de la publicité. Alors on essaye de l'intégrer au mieux dans les émissions, mais je peux comprendre que parfois ça puisse vous sembler lourd, mais cela dit, on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut, on a un temps d'antenne limité pour la publicité, ça c'est vrai pour toutes les radios, on peut diffuser en moyenne en radio 12 minutes par heure maximum, on en est loin, on est plutôt autour de entre 6 et 8 minutes selon aussi les moments de la journée et selon les périodes. C'est vrai que lorsque ce sont les soldes ou quand c'est le salon de l'auto, il y a un peu plus de publicité sur toutes les radios et chez nous aussi, voilà. Donc il faut parfois la subir, mais par ailleurs la publicité permet aussi de recevoir parfois des informations utiles. Et puis dans votre région, vous entendez parler des entreprises et des commerces de votre région, donc c'est aussi quelque part la publicité, quand on prend un peu de recul, c'est aussi une information que vous recevez. Je vois. Je vous remercie. Je sens que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je vous donne les arguments qui peuvent... Vous voyez, je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord. Hein. Ça, je l'ai bien compris, voilà. Noël, merci en tout cas d'avoir envoyé votre message. Oui, merci à vous. Et bravo Cyril, et bravo pour votre pertinence. Merci. Bonne soirée. Très bonne soirée Noël, bon week-end. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. On va chez Anthony tout de suite. Bonsoir Anthony. Oui, bonsoir. Bienvenue bonsoir sur Vivacité. Alors Anthony, vous avez des questions sur les parts de marché, donc l'avenir peut-être de Vivacité. On vous écoute. Oui, tout à fait. Donc tout d'abord, je voudrais remercier donc Monsieur le Directeur de pouvoir nous accueillir en direct afin d'interagir donc directement avec la direction. Donc ça, c'est super génial. Ben vous savez, ensuite, vous êtes chez vous ici. Vous savez, donc c'est pas moi qui vous accueille. Vous êtes chez vous. Vous savez, il répond plus facilement aux auditeurs qu'aux personnes de l'équipe. Mais c'est normal, ils sont importants. Exactement. Le côté commercial. Alors, allez-y, donc, Anthony. Ma question est la suivante, oui. Donc, comme on le sait tous, Radio Contact est la première radio écoutée en Wallonie. Ne le dites pas trop fort. Hein. Donc, nous parlons tous en langue de bois ce soir. Oui, exactement, ça, bien sûr. Oui, donc je voulais donc évidemment savoir comment Vivacité, donc comment l'équipe va réagir pour justement récupérer des parts de marché. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour justement aller de l'avant et essayer, donc tant bien que mal, malgré ce que j'ai pu entendre donc, juste avant, le manque de budget, etc., comment vous allez faire pour aller de l'avant et toujours essayer de survivre parmi ces radios qui sont donc justement beaucoup plus sponsorisés que vous. Oui, je vous rassure, on ne manque pas de budget non plus. Hein. On n'est pas non plus pauvre. Et c'est pas parce que j'ai refusé la prime à Cyril qu'on est pauvre. C'est pas pour ça. Non, mais je vous rassure, en fait, en part de marché et en audience, on est plutôt en très bonne santé. On est très content des derniers résultats de sondage, puisque vous parlez de ça. Puisque même si Radio Contact est numéro 1, ils ont plutôt baissé par rapport à la fois précédente. Et nous avons augmenté. Nous avons dépassé notre record en nombre d'auditeurs quotidiens. On était à 555 000 auditeurs. Oui. C'est plus d'auditeurs que Radio Contact. Voilà, c'est plus d'auditeurs que Radio Contact chaque jour, par exemple. Donc, vous voyez, selon le critère qu'on prend, on est premier ou on est deuxième, on est troisième. Et surtout, les trois premières radios les plus écoutées chez nous en Belgique francophone, c'est dans un mouchoir de poche. Je veux dire, il y a très peu de différence entre l'audience de Contact, de Bel RTL, de Vivacité. On est dans un mouchoir de poche. Et donc, une fois, c'est l'un qui est numéro un, une fois, c'est l'autre, une fois, on est deux, on est trois. Voilà. Donc, mais je vous rassure, notre audience à nous se porte très bien et j'en suis très content. Et je vous remercie d'ailleurs parce que nous progressons depuis 4-5 ans, nous progressons fortement en audience et nous sommes maintenant dans le trio de tête de manière très confirmée. Et nous nous sommes rapprochés très fortement concurrents, de nos concurrents privés. Donc tout se passe bien, ça continue à évoluer, et donc voilà, ne faisons pas trop attention aux parts de marché, c'est important aussi bien sûr, mais c'est pas la chose essentielle. Nous, ce qu'on aime bien, c'est de faire de la radio avec vous, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc on est en fait très satisfaits. Ça vous convient, Anthony ? C'est parfait, absolument, donc la réponse est claire et concise, donc parfait. Vous resterez avec nous alors ? Pardon ? Vous resterez avec nous, vous préférez les papillons aux dauphins ? Ah oui, oui, absolument. Maintenant, comment, si vous avez aussi une place pour une activité complémentaire, je suis bien surpreneur. Ah ben alors, c'est bien que vous posiez... Monsieur le directeur. C'est bien que vous posiez la question, Anthony, parce qu'on a reçu sur vivacité.be une demande de Tiffany. Et Tiffany, elle nous dit « Bonjour, j'aimerais faire un stage chez vous, car j'adore la radio, et j'en fais un peu dans mon école. Comment est-ce que je dois faire ?» Alors Anthony, vous cherchez du boulot, mais comment... Voilà, si on a envie de travailler à la radio, on fait quoi ? Oui, en fait, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez être animateur radio, le mieux, c'est vous envoyer un petit enregistrement par email ou par courrier, hein. C'est plus des cassettes maintenant, c'est plutôt des CD, c'est plutôt un format MP3 par email. Mais vous envoyez ça et on écoutera et on vous recontactera. Si vous cherchez un autre emploi ou un stage, par exemple, comme vous le disiez, eh bien, vous allez sur le site rtbf.be et là, vous tapez dans votre moteur internet, vous tapez sans les 3 W, vous tapez directement emploi.rtbf.be et là, vous arriverez sur une page où vous pourrez voir d'abord les postes qui sont disponibles pour lesquels on recherche des personnes. Vous me regardez bien sérieusement en disant ça. Ça veut dire que je dois postuler. Vous êtes déjà là. Mais donc, vous pouvez là retrouver tous les postes disponibles et vous pouvez aussi postuler soit pour faire un stage ou pour trouver un job à l'RTBF. Voilà. Donc, je vous renvoie à cette adresse sans les 3 W. Emploi. Directement emploi.rtbf.be. Voilà. Bah comme ça, le message est passé. Youri du Grand-Duché du Luxembourg est avec nous au téléphone ce soir. Bonsoir, Youri. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu. Alors, vous nous écoutez au-delà des frontières belges et c'est le sujet de votre question. Oui, ben voilà, justement, ben moi j'écoute tout le temps, car je suis chauffeur, et donc j'écoute toute la journée vos émissions. Et alors le problème, c'est que souvent dans vos émissions, eh ben, il faut envoyer un SMS pour participer à un concours ou pour participer tout court. Et le problème, c'est qu'avec un numéro luxembourgeois, on ne peut jamais participer. Je voudrais savoir s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose pour ça. Oui, je comprends votre question. En fait, vous pouvez toujours participer via Internet. Hein. On a aussi des concours ou des émissions. Ah ben pas vraiment, en fait. Pas vraiment, parce que, par exemple, maintenant, pour poser la question, justement, j'ai dû marquer ma question, et après, on me renvoie pour savoir mon nom, mon adresse et tout ça. Oui. Et là, il faut marquer un numéro de téléphone belge. Et donc, j'ai dû marquer un faux numéro. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas, parce que ça doit toujours commencer par 04 ou d'accord. Des choses comme ça. Oui, bah écoutez, c'est le problème des auditeurs qui nous écoutent en dehors du territoire qu'on est censé couvrir. Vous savez, on a aussi des auditeurs qui nous écoutent au Brésil, en Turquie ou dans les pays scandinaves. Forcément, on n'a pas pour chacun, et vous, au Grand-Duché de Luxembourg, on n'a pas toujours... On vous capte, vous nous captez, oui, mais vous savez, maintenant, avec Internet, on sait nous capter partout, évidemment, hein, dans le monde entier. Donc, on a des gens qui nous écoutent aussi ailleurs qu'au Grand-Duché, et je vous en remercie, d'ailleurs. Par contre, on n'a pas, nous, la capacité, évidemment, à donner des accès téléphoniques, parce que c'est des numéros belges réservés à ceux qui résident en Belgique, à des personnes qui voudraient nous appeler, soit de France, comme ça arrive, vous, du Grand-Duché, ou parfois, d'ailleurs, à l'étranger. Là, malheureusement, j'ai pas de solution à vous proposer, mais par contre, envoyer un email, ça, vous pouvez toujours le faire, et parfois, dans des émissions, même pour des jeux, on peut répondre en envoyant un email ou en encodant sa réponse sur le site internet et vous mettez dans votre texte alors vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Comme vous l'avez fait ici. Voilà. Oui, mais c'est parce que souvent, justement, vous avez des appels surtaxés parfois pour un concours ou l'autre pour gagner quelque chose. Est-ce que vous pourriez pas en faire un qui serait surtaxé aussi, même plus cher, mais accessible depuis l'étranger ? C'est compliqué, vous voyez, parce qu'au Grand-Duché, sans doute, il y a des possibilités, mais alors on devrait le faire pour la France, peut-être pour des amis hollandais qui nous écoutent ou des gens qui résident à l'étranger. Donc ça devient très compliqué à gérer, vous voyez. Okay. Vous voulez que je cherche sur ImoWeb s'il n'y a pas un petit truc dans la province de Luxembourg, alors pour vous, pour déménager peut-être ? Non, ça va. Je peux chercher pour vous, j'aime bien faire ça. Non, mais ça va, je suis bien où je suis. Bon, d'accord. Ben, en tout cas, merci Youri de nous écouter, même depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Je vous souhaite un bon week-end, à bientôt. Au revoir. On arrive déjà au bout de cette émission. Eric, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Avec plaisir. Et puis, le reste du temps, on peut aller sur vivacité.be. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire et puis elles seront transmises à Eric. Merci. Oui, et puis on répond tout au long de l'année à toutes les questions qu'on reçoit par email ou par le site internet. Donc, n'hésitez pas, on est à votre service. Vivacité.be pour le faire. Passez un excellent week-end. Voici le Tip Top avec Philippe Jonnet. Cinq secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Oh, regarde, 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf. C'est chez Thomas et Piron et nulle part ailleurs.